Ami gamer, ami gameuse, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Gueulante. On vous avait manqué, on en est certain, et cette fois, on est revenu avec une émission totalement corporate, puisqu'il n'y a que des amis du Pixel autour de la table. On va commencer à ma gauche par Nico, comment vas-tu ? Salut tout le monde, c'est les vacances, je profite. Et ben, on va parler quelque chose d'intéressant. Il a dit je profite, j'ai entendu je joue. je joue comme un malade, je rattrape. Ouais, c'est mon exactement backlog. Ça. Bah, tu profites des vacances justement pour rattraper certains jeux. Ouais. Bon, du rétro gaming toujours. Mais t'as bien raison, on en est tous là. À sa gauche, Tilissa, notre chère secrétaire, comment vas-tu ? Moi ça va, impeccable. Pareil, les vacances, un peu chaud quand même parce que là, ça tape un peu, mais ça va en forme. Il fait chaud dans le sud. Nous sommes dans le sud de la France, pour rappel. Non mais on est bien dans le sud, mais c'est vrai que des fois, quand les températures elles montent un peu trop, là, ça devient compliqué quand même. Il fait chaud. C'est l'heure du pastis. Hein. Mais sinon, la pêche au frais avec le ventilateur devant le PC ou la console, parfait. À sa gauche également, le retour du sieur Barbu, comment vas-tu ? Oui, sieur Barbu est de retour, pour vous jouer de mauvais tours. Non. Ça va très bien, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Et oh là là, pourquoi vous parlez beaucoup plus fort ? C'est moi qui vous ai lancé là. Tout ça. Bonjour, je suis très content d'être revenu parmi nous. Et nous ici, on est très contents. C'est que tu vas mettre de l'ambiance dans cette émission ? Oui, de l'ambiance, toujours de l'ambiance. Tu m'étonnes. Un petit peu de piment d'Espelette donne tout ça. Mmh. Ouais, et on n'oublie pas notre présentateur, notre président. Le presidente, c'est Bat. Mais monsieur Poutounours maintenant. Pour le tonneau, monsieur Poutounours maintenant, ça, oui, ça commence à faire un moment, il va falloir s'habituer. Si tu veux, je te la fais avec quoi, la voix du parrain. Avant, c'était Sebat. C'était mon pseudo que j'ai choisi à 16 ans, comme tout le monde. Il a fallu me choisir un pseudo pour avoir un site caramel. Bref, ne parlons pas de ces choses-là. On gardera ça pour le podcast sur la nostalgie, tiens. C'est ouais. Ça, pourquoi pas. Ouais. Sur l'origine des pseudos. Mais bien sûr. Mais ça peut faire un bon truc. Hein. Sur l'origine des pseudos ? Oui. Il y en a des choses à raconter. Un bouquin, ouais. Bref, si vous avez cliqué pour écouter ce podcast, vous avez sûrement vu son titre, voire sa description. Aujourd'hui, le sujet est « Sommes-nous devenus des vieux cons ?» Vous l'aurez compris, on va forcer le trait un petit peu. Ah bah oui, papy. On va profiter. Alors pourquoi c'est des vieux clair. Cons ? Eh bien parce que pour ne vexer personne autour de cette table, il y a des gens qui sont autour de la trentaine, on va dire. Plus, ménageons la quarantaine. Ah, j'ai 29 ans. Ménageons les susceptibilités individuelles. Bref, voilà, on n'est plus des gamins. On a connu le jeu vidéo quand on était petit, il y a 10, 15, 20 ans. Il y a longtemps, rayer, quoi. Cocher la case, rayer les mentions, le inutile. Ouais. C'est pas impossible. Ouais, j'ai 38. Ouais. Ah bah oui, c'est ça. Je suis le jeune. Oh oui, c'est pas impossible non plus, ça. Ouais. Sommes-nous devenus des vieux cons ? Donc de quoi on va vous parler ? Ben on va vous parler de toutes ces choses typiques du jeu vidéo moderne, n'est-ce pas ? Qui nous énervent, qui nous agacent, qui voilà. En gros, c'est un podcast. J'aurais pu l'appeler, c'était mieux avant, mais je préférais un truc un petit peu. Voilà. Donc l'émission portera bien son nom aujourd'hui puisqu'on va se plaindre. Oui. Voilà. On va se plaindre. C'est que du négatif. Des jeux de maintenant. Ça voilà. Va gueuler sévère. Ça va. Voilà. Mais c'est ça qui est bon. Ça va être explosif. Relou. Tout ça quoi. Alors attends, je maintiens donc en même temps, quand ça même s'appelle que la gueulante, hein, c'est ça. Je maintiens donc quand même qu'on va forcer le trait et qu'évidemment il n'est pas question de dire que c'était mieux avant et que maintenant c'est de la merde, mais quand même de relever les choses qui sont, allez, on va dire les moins agréables ouais, dans le gentil. Jeu vidéo de maintenant sur on dirait un peu de positif PC à la fin du sur coup. Autre chose, je ne sais pas, on peut mais c'est pas obligé. Est-ce qu'il y en a en fait ? On va voir du positif. Il y en a un peu quand même. Si, comme présenté, toute évolution, si je pense qu'il y en a quand même. Il y en a toujours, mais pas beaucoup, évidemment. Mais il faut creuser. C'est profond, tout ça. Mais oui. Allez, on va se mettre un petit peu de musique, puisque cette fois-ci, comme les précédentes, on n'a pas de thématique musicale. Donc je refais une playlist. Ascenseur ? Non, je déconne, j'ai pas refait une playlist, j'ai repris la même que la dernière fois. Qui était somme toute très bien, oui. Hein, dans l'absolu. Oui, ça, par exemple, c'est du Guacamelee. Très bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Allez, par quoi on va commencer ? Tiens, on va commencer par un des sujets de Barbu qui voulait nous parler donc de la problématique des temps d'installation et des temps de chargement. Alors là, on sent le mec qui a beaucoup joué sur PS3, je crois. PS3, la 360, récemment donc sur la Xbox One, mais on va rester sur avant. Vous vous souvenez, avant, vous achetiez votre jeu dans le X magasin à droite ou à gauche de votre village, de la ville, ou, bref, tout ça. Vous arrivez à la maison, vous allumez la console, vous mettez le CD à l'intérieur, et vous pouvez jouer de suite. C'était formidable. Comme ça, si le jeu il était nul, bon, on l'a ramené, on gueulait un coup, et puis voilà. Ça, c'est génial. Sauf que maintenant, le temps d'installation, Donc c'est quelque chose que j'ai vécu, et ainsi que Monsieur Poutounours pourra confirmer ses dires. Oui, nous là, avons là, voulu on jouer. On va passer en mode anecdote. Anecdote, donc ouais. Nous avons voulu jouer sur meilleur, Xbox One, on a voulu jouer à Gears of War 4. Tout à fait, et alors laissez-moi vous dire qu'on était prêts, on était chaud, il y avait patate, à boire, il y avait du poulet d'une célèbre marque anglo-saxonne. Les gonzesses n'étaient pas à la maison. Voilà, on était bien, en slip et tout, non, c'était bien. Il y avait du breuvage magique. On était en train de se gratter les couilles, on était prêts. On était prêts, on était dans l'ambiance Gears of War. Voilà, on était en forte armure tout, on a défoncé plus, des gens. Plus dans l'ambiance, c'était FIFA, quoi. Non, on était juste en dessous. Fais gaffe, tu vas être muté. Hein. Là, il y a. On était juste en dessous de l'ambiance FIFA. Bref. Non, parce qu'on avait nos frocs en fait. Voilà. C'est ça la différence. C'est vrai que nous, on est des vieux de la vieille. Hein. Comme j'ai dit, on mettait le jeu, on jouait. Toi, c'était génial. Ou à la cartouche à l'époque. Et là, on se dit, allez, on va jouer à Gears of War, on va mettre le CD. Ben, on n'y a jamais joué. Parce qu'il a fallu attendre 3-4 heures. Et parce que l'install n'était pas terminé. On a eu le temps de manger, les enfants. Alors, on a eu le temps de manger, on a eu le temps de boire, on a bu toutes les bières. Alors, les gonzesses sont décharge... revenus vous faire chier. Ah, voilà. Putain, c'est ça le pire. À la décharge de notre ami Barbu, donc la Xbox One n'avait pas dû être allumée depuis plusieurs semaines. Donc, elle a voulu faire des mises à jour. Obligatoire, c'est-à-dire que sur Play 3, quand on te dit une mise à jour est disponible, tu n'es pas obligé de la faire. Sauf si tu veux jouer en ligne. Mais là, du coup, sur la One, on est obligé de la faire. Je ne sais pas si sur Play 4, c'est exactement pareil. Sur la Play 4, la mise à jour se télécharge. Tu peux toujours, quand tu lances un jeu et qu'il est en train de télécharger une mise à jour en background, tu peux toujours choisir de lancer le jeu quand même. Switch, c'est pareil. Voilà. Switch, c'est pareil. Encore une fois, sauf si tu joues en ligne, où là, de toute façon, il y aura une connexion PSN. Et la connexion PSN nécessite que tout soit à jour, la console, le jeu, etc. Que tout soit à niveau, ce qui est extrêmement logique. Mais on a la possibilité de passer par-dessus ça. Et là, on rejoint, pour rester sur la Xbox One, on rejoint ton autre sujet qui parle de la connexion obligatoire, l'obligation de posséder des comptes et, ça, par extension, les mises à jour... les mises à jour obligatoires les pour, mises à jour pour les jeux. La Xbox One a ceci de particulier, et moi je le savais parce que ça avait pas mal gueulé, mais à la sortie de la Xbox One, elle ne peut pas être utilisée, sortie de boîte, sans être mise à jour, et donc connectée à Internet. Mais ça a été désactivé, ça, cette option, non ? Alors moi, quand j'ai eu ma One S au mois de décembre, il y a 7 mois, 8 mois, c'était toujours le cas. Sortie de boîte, il a fallu la mettre à jour tout de suite. Et en plus, elle a ceci de particulier, la Xbox One, que à partir du moment où elle est au courant qu'il y a une mise à jour, tu peux pas faire autrement, tu es obligé de la faire. Ouais. C'est fini. C'est-à-dire, tu peux plus la débrancher d'Internet et tout et dire ah non, tu la feras pas, Non. Elle a vu qu'il y avait une mise à jour, c'est fini. Au final, ta machine, elle n'est plus indépendante. Elle est dépendante. C'est toi qui es dépendante de la machine. Et oui, après, oui, du coup. C'est là qu'il te faut. 3 fois par mois, tu es obligé d'allumer ta console, même si tu n'as pas prévu de l'allumer, tu es obligé de l'allumer. Alors imagine au bout de 6 mois, tu ne l'as pas allumé. Alors là, La Xbox One, ouais, en gros, faut l'allumer en moyenne une fois par mois pour être tranquille. Cela dit, il me semble que si tu veux pousser leur délire jusqu'au bout, tu peux utiliser les modes de veille qui consomment le plus, notamment celui sur la Xbox qui permet de la réveiller avec la voix, un truc comme ça. Au final, elle n'est jamais vraiment éteinte. Mais où du coup elle peut télécharger les mises à jour toute seule. Voilà. En contrepartie, par contre, ta console consomme 10 watts en permanence. Ouais, non, mais voilà. Elles le font toutes, ça, maintenant, ça. C'est pas génial. Cette option-là. Elles le font toutes en option. Même la Wii U, elles ont tendance à pousser le truc vraiment vers ça, quoi. Mm. C'est le cas même de la PS4 maintenant, où je trouve que pour éteindre complètement une PS4. Depuis la manette, c'est chaud, c'est vraiment le parcours du combattant, parce que tu maintiens le bouton, tu vas dans option alimentation, éteindre la console, etc. Elle t'encourage en permanence à la laisser dans un mode de veille qui la permet d'être réveillée par le réseau, pour faire du streaming vers la Vita, ce genre de choses, etc. De faire les mises à jour en permanence, enfin bref. Et puis ça feinte un peu, c'est la méthode Microsoft sur PC. Hein, on n'éteint pas totalement la machine, comme ça quand elle se réveille en 3 secondes et elle donne l'impression On n'est pas censé faire des économies d'énergie, tout ça, machin. Eh oui. Et non. Je sais pas, ils ont pas compris le concept, je pense. Une console, non, une machine allumée en permanent comme ça, c'est... Alors, il y a un gros souci avec ça, c'est que, par exemple, les constructeurs de télévision, de pas mal d'appareils en audio, vidéo, etc., sont contraints à des normes par rapport à ce genre de choses, auxquelles, si je me trompe pas, en tout cas, auxquelles les constructeurs de consoles ne sont toujours pas contraints, parce que leurs machines ne sont pas reconnues dans les mêmes catégories. Mmh. Donc clairement, ils ont tout intérêt à mettre de la fonctionnalité qui te laisse croire que la console démarre super rapidement, que tu puisses la réveiller par la voix, machin et tout. Des trucs dont, à mon avis, pas grand monde se sert en plus. Hein. Pas sûr jamais vu. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui réveillent une Xbox One par la voix avec le Kinect. Hein. Ça n'a jamais marché en plus, le Kinect. Enfin, non. Vous avez le Kinect ? Ouais. Vous l'avez ? Oui, parce que pas utilisé. Oui, parce que leur alors et pour le coup ils l'ont de force parce que c'est une console qui avait été achetée à la sortie de la One à l'époque où elle ne se vendait pas sans le Kinect encore. Voilà. À l'époque que tu l'achetais, tu avais le Kinect. Mais c'était la mode à l'époque. J'ai eu le 1 et je m'étais bien amusé avec le jeu où t'es dans un parc Disneyland là où tu voles dans le ciel avec Peter Pan. Voilà, ça y est, je suis parti là. Bon bref. Ah, j'ai pas. T'as pas essayé, tu vois. Mais au final, ça m'a gonflé au bout de 2-3 jeux. Hein. Ah bah voilà. Donc... Il y avait le jeu Star Wars qui était nul. Ça, je me rappelle. Je sais pas si vous. Star Wars Kinect. Tu te rappelles, tu as pas connu. Non, je sais qu'ils ont fait tu un. Tu bouges le sabre hein, avec le. Un truc de danse là. J'ai plus le nom. Oui. Ah, En version Star Wars. Ah, ça je savais pas ça. Non, moi le Kinect, la seule fois où je l'ai utilisé au début. C'était c'était pour le dance, je sais plus comment le il s'appelle. Il y en a un autre. Ouais, ça doit être Just Dance. Ouais. Je crois que c'est la seule utilisation que j'ai fait du Kinect. Il y a un programme de fitness quand t'es abonné Live Gold sur Xbox One qui est pas mal avec le Kinect. Ouais. Bon, faut avoir un grand salon. C'est celui-là aussi. Mais... Faut avoir un grand salon. Honnêtement, c'était c'est cool, les hein, deux. C'est c'était très, les très deux casual, utilisations mais... du Kinect que je faisais pour faire semblant de faire du sport à la maison, le fitness et le Just Dance. Comme Wii Fit. C'est ça. Alors, le fitness était quand même assez mine de rien, il était tu transpirais pas mal. C'est pas et... shape quelque chose. Je sais plus comment il s'appelait. C'était fait avec des stars, enfin des gens connus de fitness du aux fitness États-Unis. Américain, donc c'était super bien doublé comme les. C'était très comme très les bien. Les émissions de fitness sur la voilà. Télévision. Mais non, c'était sympa, mais. Mais voilà, bah après, ça rejoint un peu tout. Ça rejoint un des sujets que je voulais aborder. Mais c'est pareil, le fitness était super et tout, mais voilà, faut que tu aies un compte gold, quoi. Bref, nous dérivons, les enfants. Bon, on va revenir et puis nous dérivons dangereusement. Donc, les temps d'installation et de chargement, on vous a raconté cette magnifique anecdote à laquelle, à l'issue de. À l'issue d'une superbe soirée, on ne joue pas à Gears of War 4. Voilà, et le problème, c'est que je l'ai repris dernièrement, si, on s'est dit, avec Tilissa, on va finir l'installation. On a mis 4 jours, donc, pour installer tout. Mise à jour, le jeu, les mises à jour du jeu, c'est obligatoire. La console te troll, parce que j'ai à un moment, je vois 78%, ah ouais, putain, c'est génial, et tout 78%, et je vois marqué « jouer ». Je dis, mais c'est génial, pendant que ça charge, je peux jouer. Tu vois. Bah oui, je crois qu'il y avait cette fonctionnalité, non ? Tu peux jouer, ouais. En fait, ça te troll. Tu peux rentrer dans le menu. Et c'est tout. Ouais. Tu peux pas lancer la campagne. Tu peux pas lancer la campagne parce que dès que tu cliques, ça te dit la mise à jour est nécessaire. Frustration. Parce que je pense que Microsoft a prévu le truc au sens où. Enfin, comme on le voit maintenant sur Battle.net par exemple, où tu as plusieurs étapes chaque fois que tu as un jeu qui s'installe ou qui se met à jour. L'étape à laquelle tu peux commencer à jouer, l'étape optimale, etc. Mais après que le constructeur prévoit la possibilité que tu lances un jeu qui est partiellement installé ou mis à jour et le fait que les éditeurs l'emploient pour de vrai, bah forcément il y a peut-être une petite nuance quoi. Non, autant tu pouvais jouer en multi par exemple, tu vois, autant t'aurais pu lancer une partie multi mais pas la campagne. Et si tu as une coupure web du coup, une coupure ADSL, Tu l'as dans le Luc. Voilà. Il n'y a pas de reprise, ça c'est vrai. Et là tu ressors la Super Nintendo. C'est vrai à peu près tout le temps, sur les consoles c'est vrai à peu près tout le temps, ça c'est principalement dû au mode de distribution sur les consoles où tout est chiffré, tout est protégé, parce que vous imaginez bien que ce que la console reçoit c'est pas le même truc que tout le monde, il est rechiffré, comment dire, le contenu est totalement resigné, pardon. Spécifiquement pour ta console, c'est pour ça que ça peut être un petit peu long. Et puis surtout, c'est voilà, il y a des limites de débit, il y a éventuellement des problématiques de chiffrement, tout ça qui font que bah ça peut être un petit peu voilà, c'est pour ça que ça rend le truc encore plus long quoi. Les possesseurs de portables Nintendo savent bien de quoi je parle parce que tout est extrêmement long à télécharger sur une 3DS. Non mais là le Gears of War 4, il l'installe, enfin il y avait X giga d'installation, 59 giga d'installation de jeu. Les 59 giga d'installation de jeu avaient été installés, ils avaient fini à l'époque. Ouais. On avait, parce qu'en fait monsieur Poutounours était parti, mais du coup avec Super Barbie, on avait continué nous l'installation en disant ben l'installation sera faite, comme ça on est tranquille. Et effectivement X mois, peut-être 4-5 mois plus tard là, donc dernièrement, on s'est dit bah tiens, de toute façon le jeu est installé, donc au pire il y a une petite mise à jour parce qu'il y a deux conneries qui ont été mises entre temps. Après pour expliquer pourquoi ce Gears of War 4, parce qu'on a fait les trois autres avant. Mais c'est génial, c'est le 2 que j'ai le 2, le 3. J'ai fait le 1 et le 2 et je me suis régalé. Ouais. Et du coup on s'est dit on va faire le 4 pour clôturer voilà. L'histoire, tout ça, et on n'en parle plus et jamais quoi. Donc ouais, là t'allumes la console, tu te dis... On dort, petite mise à jour peut-être, parce qu'entre temps, ça fait quand même plusieurs mois que le jeu est sorti, machin. Oui, petite mise à jour, 39 gigas. Ah oui, alors, dis, attends, mec, chez Microsoft, c'est toujours démesuré. Hein. C'est toujours. Donc 39 gigas, forcément, la console, enfin moi perso, je la laisse pas allumer 24 sur 24 non plus, donc je l'allume quand je suis là. Je fais autre chose en même temps, mais je l'allume, je la laisse tourner. Donc c'est vrai qu'effectivement, tout cumulé, il y a dû en avoir pour 24 heures à peu près, parce que on a une petite connexion. On a mis 4 jours. On a DSL. Mais voilà, au final, en l'allumant que quand on était là, on a commencé à jouer 4-5 jours plus tard. Mais, parce que, mais au final, de tous les défauts là qu'on va parler, je crois que celui-là, c'est le pire. Parce que d'ailleurs, on voit que c'est pas du tout optimisé. Contrairement à une époque où ils essayaient d'optimiser pour que ça rentre dans des cartouches, pour que ça rentre dans un CD. Maintenant, c'est vraiment parce qu'ils savent que c'est démesuré avec le big data, tout ça. Et du coup, c'est vrai voilà quoi, quand tu te tapes. Alors moi, c'était pour Noël. Ma femme avait acheté Xenoblade Chronicles X. Et je mets le jeu dedans. Et c'était une mise à jour de 8 gigas. Et vu que je suis en connexion 5 mégas, voilà, c'était pour Noël. Et j'ai attendu le 26 pour y jouer, quoi. Ouais, non, mais c'est la misère, quoi. Genre, à un moment donné... Après, c'est que ça rejoint l'idée du CD. C'est vrai qu'on mettait tout à l'époque, comme t'as dit, sur CD, sur disquette, etc. Quand tu mets des trucs... Non, en fait, il y a quoi sur le CD? Au final. Il y a quoi sur le CD? C'est la version bêta. La version bêta. Alors, non, pour les jeux consoles, il y a la version, qui était disponible au moment où le jeu est passé Gold... qui effectivement aura été mise à jour la plupart du temps au moment de la sortie du titre. Ça, c'est pas très grave. Par contre, pour les jeux consoles, cette version là elle est d'une part souvent très compressée, et surtout maintenant elle est sur des Blu-ray, et c'est ça qui fait c'est ça qui fait l'étape d'installation qu'on a beaucoup chez Sony par exemple, et qu'on a un peu chez Microsoft aussi. C'est que l'air de rien, un Blu-ray c'est large. C'est jusqu'à 17 gigas, je crois. C'est un petit peu plus que ça. La plupart des Blu-ray commerciaux des jeux sont des disques de 40 gigas. Mais il y a des modèles de disques Blu-ray qui vont au-delà. Mais par contre, c'est encore c'est assez lent à parcourir la surface d'un Blu-ray. Donc il faut, pour éviter que ta lentille fasse des allers-retours tout le temps, etc. Et voilà, il y a cette étape d'installation qui va mettre le contenu qui va être potentiellement accédé le plus souvent par le jeu, qui va le mettre sur le disque dur de la console. Et du coup, tout ça, c'est de la décompression, machin, etc. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long aussi. Mais ça encore, c'est la même chose chez tout le monde. Ça prend du temps, donc ça peut être pénible. Moi, j'ai un souvenir vraiment très ému d'avoir installé, voulu jouer à Metal Gear Solid 4 sur PS3 il y a très longtemps. Et après, j'ai plus 1h45 d'installation. J'avais même plus envie de jouer, en plus de toute façon il était tard, donc j'ai plus envie de jouer du tout. Je m'y suis mis que plusieurs jours plus tard, tellement ça m'avait gonflé. Mais voilà, cette étape d'installation, elle a au moins le mérite d'être la même chez tout le monde. Par contre, la partie mise à jour, effectivement, il y a d'une part la différence de traitement qui dépend de ta connexion internet totalement, et il y a d'autre part, le fait que effectivement, eux, la taille de ton tuyau, ils s'en foutent, et ce qui les intéresse, c'est de faire de la sécurité, c'est de maîtriser le contenu et d'être sûr que ça soit pas copiable, que ce contenu-là puisse pas être remis sur une autre console, etc. Et puis d'optimiser leurs propres infrastructures aussi. Ce que j'ai compris, c'est ce que fait beaucoup Nintendo, et c'est pour ça que c'est très lent. Voilà. Et donc c'est là où ça peut être un petit peu pénible, parce que déjà avoir une connexion internet pas rapide, bon, c'est chiant pour plein de choses, mais alors quand en plus ça vient impacter ton expérience de jeu, et parfois de manière violente comme ça, bah, c'est quand même pas très agréable. C'est vrai que je pense qu'on a tous des exemples sur pas mal de jeux. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Ah si, Mortal Kombat 9, je l'avais acheté, c'était sur 360. Franchement, je me suis régalé sur ce jeu. Je l'achète. Déjà, je ne peux pas lancer le multi en ligne. Il fallait télécharger une mise à jour qui a été super longue. Et après, bien après, tu vois, voilà, le jeu se lance. Mais tu as toujours ces mises à jour nécessaires. Ouais. Et après, c'est sans parler aussi en dehors de ces mises à jour nécessaires. Donc, la plupart du temps, donc, on se retrouve avec une boîte où il n'y a même plus de notices. Là, c'est peut-être je dérive sur un autre sujet. Non, non, mais de toute façon, on reste sur le voilà, on reste sur les trucs qui nous plaisent pas, donc tu peux y aller. Voilà, donc maintenant, quand on achète un jeu, donc quand on ne l'achète pas dématérialisé, on se retrouve juste avec la cartouche ou le DVD et c'est tout. Alors qu'avant, il y avait quand même le charme qui est une notice. Même des fois, il y avait même une bande dessinée. Je ne sais pas si tu as connu ça. Moi, j'ai connu le GTA 3 sur Play 2 où tu avais le livret, la map. Ouais. Le CD, Skyrim aussi. Skyrim, t'avais ça. T'avais tout plein de jeux comme ça où t'avais la map du monde du jeu du vidéo auquel tu jouais. Même, je sais pas si t'as connu Mario Kart, le premier Mario Kart. Il y avait un petit livret avec. Il y avait, c'était presque, je vais pas dire une bande dessinée, mais c'était plaisant, je veux dire, pour ça donnait de la valeur à l'objet. Oui. Chose qu'avec le démat, tu as plus quoi. Non, mais de toute façon, avec le démat, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si tu l'achètes, parce que ça a de la valeur, mais à la revente, est-ce que ta console prend? Ah bah tu revends pas. Et tu es dépendant des serveurs aussi. Voilà. Parce que la console prend de la valeur selon les jeux qui sont installés en dématé dessus. Tu ne revends pas. Tu ne revends rien. Tu n'achètes pas. Tu ne peux pas revendre une console. Alors, non, c'est pas ça. En dématérialisé, tu n'achètes pas un jeu. Tu payes une licence d'utilisation qui t'est accordée pour ce jeu. Pour, Tant que le jeu est sur les serveurs. Oui, oui. Alors ça. Et ça aussi. Ça, c'est encore une autre problématique qui mériterait d'être traitée dans Parce que là, les jeux Play 3, les jeux Play 3 360, si t'as envie de les re-télécharger, est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Ah oui, ils sont toujours disponibles. Bon. Ils sont toujours disponibles. Comme ça fait un moment. Chez Sony, chez Microsoft, c'est vrai. Ça commence à ne plus l'être dans d'autres cas. Et puis le démat, ça pose d'autres problèmes qui sont. Parfois des jeux qui ne sont plus disponibles pour simplement des problématiques de distribution ou des choses comme ça, mais voilà, par contre on va pas commencer à détailler, mais la difficulté aussi, tu parlais de valeur ajoutée à une console pour la revente des jeux, c'est que un des sujets dont je voulais parler, on en reparlera plus tard, mais parce qu'à un moment donné c'est lié à ça, c'est que le jeu est lié à un compte, ton compte. Oui, j'ai juste ce problème sur le compte qui est incessible. Voilà. Tu n'as pas le droit de revendre ta console avec ton compte dessus. Moi, je suis en train de me battre avec Microsoft là parce que. Donc, plus de jeux d'occasion du coup. Au final, quelque part. Et au final, ces consoles, on reprend ce principe d'un client léger. C'est plus une machine à part qui diffuse un jeu. Tu es dépendant du serveur maître qui diffuse les licences, les comptes utilisateurs. Oui et non, parce que la console, elle a toujours sa puissance d'exécution pour elle. Voilà, mais là, c'est tout. C'est juste la distribution qui est... Et tu verras que dans quelques années, les consoles, au final, ce sera plus que du SaaS, enfin du SaaS. Et tu verras que ce sera que de la diffusion de jeux par streaming. Et c'est que tu prennes Sony, Microsoft, ce sera juste de la diffusion de services en fait, différentes. Enfin, c'est comme ça que je pense que ça va évoluer. Donc le SaaS pour nos amis auditeurs, ça veut dire Software as a Service. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans l'informatique, qui consiste à ne plus acheter des logiciels comme pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire acheter la licence d'un logiciel que tu payes une fois, il est à toi et tu l'utilises, mais acheter des logiciels en tant que service que tu repayes tous les ans. Voilà. Comme et Office. Voilà, comme ce qui est Office maintenant, où la seule version qui existe maintenant, il me semble, c'est Office 360, qui est un truc déjà tout en ligne, et en plus par abonnement, qu'il faut repayer tous les ans. Et c'est vrai que c'est un modèle vers lequel on glisse doucement. Le jeu vidéo en est encore un peu préservé, parce que c'est un média qui a des coûts de production assez élevés, qui a un mode de distribution qui nécessite toujours d'acheter une machine chère pour le faire tourner, etc. Mais c'est vrai que on voit Netflix, on voit tous les services pour la musique, pour la vidéo. Ça m'étonnerait pas, Nintendo sur des trucs comme ça à part dans le futur là-dessus. Comme ils sont pas axés sur le matériel de puissance. Non, ils sont pas axés sur le matériel, mais tous les constructeurs et les éditeurs aujourd'hui aiment vendre leur au pluriel palette de FIFA à 70 balles tous les ans. Donc je pense que dans le jeu vidéo, on n'y vient pas encore, d'autant que les expériences qui sont faites maintenant restent marginales et fonctionnent pas vraiment au niveau commercial. Je pense au PlayStation Now, par exemple, qui est totalement ça. Le PlayStation Now, c'est un abonnement, c'est le Netflix pour ta PlayStation. Tu payes un abonnement et après, tu joues au jeu. Alors là, ça, en plus, c'est en streaming, c'est-à-dire les jeux ne sont même pas... Télécharger en démat pour être exécuté depuis la console, c'est exécuté, le jeu tourne sur des serveurs et ce que ta console fait, c'est juste recevoir le résultat exécuté par une autre machine et envoyer les inputs de ta manette vers cette machine. Nvidia fait la même chose. Ah, le GIF. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est GeForce quelque chose, leur service, etc. GeForce, mais c'est pareil, c'est de l'abonnement. Et puis, GeForce Now, je crois. Je sais pas, ils l'ont appelé GeForce Now alors que... Je sais pas, c'est que GeForce Now, ça me dit quelque chose en fait. Ouais, c'est pas impossible. Cela dit, ils sont bien capables de l'avoir fait. Et puis voilà, il y a quelques années en France, il y avait le service Metaboli qui faisait un petit peu ça aussi. C'était pas du streaming, mais c'était des jeux vidéo packagés d'une manière un petit peu bizarre pour comment dire, avec un DRM spécial maison pour pas pouvoir être piraté facilement. Mais en gros, tu payais par abonnement, l'abonnement étant de plus en plus cher au fur et à mesure que tu voulais des jeux de plus en plus récents. Mais globalement, ces services-là voilà, restent très marginaux aujourd'hui et n'ont pas nécessairement les faveurs d'un public qui est, rappelons-le, constitué quand même en grande partie de gens qui achètent un voire deux jeux par an, qui se concentrent sur les blockbusters, etc. Et qui du coup ne va pas nécessairement payer un abonnement. Quoi. Donc on n'a pas le même... Le jeu vidéo n'a pas encore le même public que la musique et le cinéma et la télévision pour ce genre de choses. Donc c'est vrai que je ne suis pas persuadé que ça arrive. Après, ça dépend le public. Que ça arrive maintenant. Parce que justement, le public des nouvelles générations, enfin voilà, je vois bien se diriger là-dedans. Parce que eux qui n'ont pas connu ce côté boîte, ce côté de jeu cartouche. Pour eux, ça leur paraît tout à fait normal. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'ils parlent de ça maintenant, Microsoft, avec la Xbox, de faire une sorte de Netflix Deezer, un abonnement, où justement, je crois que tu peux avoir des jeux, justement, tu payes un abonnement et tu choisis le jeu que tu veux. Je crois que ça avait parlé de ça, le 3, non ? C'est pas impossible, je me souviens plus trop des annonces de l'E3, ouais. Mais de toute façon, il faut pas oublier que la Xbox One telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas du tout ce que Microsoft voulait en faire au départ. Hein. La Xbox One, ça devait être une console sans lecteur optique, totalement dématérialisée, avec des systèmes de prêt de jeu, etc., de partage de bibliothèque. Et nécessairement, Microsoft va y revenir petit à petit. Il y a une fronde des joueurs telle que t'es obligé de revenir en arrière, mais... Microsoft, s'il continue à produire du matériel, en tout cas, va nécessairement se réorienter vers cette voie-là, qui est d'être de moins en moins dépendant du matériel et de plus en plus partir vers de la vente de services. C'est peut-être un peu déjà le cas aussi chez Sony avec les abonnements. Donc les Xbox Live Gold et les Xbox Live Gold pardon et le PlayStation Plus qui sous couvert de permettre de jouer en ligne au départ de façon payante sont aussi des abonnements qui englobent plein de trucs, notamment le fait d'avoir des jeux offerts, je mets des guillemets, oui, dans le Gold, et éventuellement des trucs un petit peu autour, voilà. Ça, mais je crois que Nintendo, ils vont faire pareil, je crois ils vont le rendre payant d'ici 6 mois le jeu. Alors, l'abonnement je online. Crois que alors Nintendo prévoit de rendre l'abonnement multi mais moins cher que les autres. Moins cher que les autres et avec un petit peu moins de fonctionnalités, parce que par exemple au niveau des jeux offerts, je mets toujours des guillemets, ils ont choisi une méthode encore moins intéressante que les deux autres, parce que chez Microsoft, quand tu es abonné, tu mets ton jeu dans le panier, tu l'associes à ton compte une fois et tu l'as après ad vitam, même si t'es plus abonné. Chez Sony, c'est pareil, mais il faut rester abonné pour pouvoir continuer de profiter des jeux du PlayStation Plus. Et ça qui est dommage. De ce que j'ai compris, Nintendo offrira un jeu pendant un mois qui de toute façon ne sera jouable que pendant ce mois-là. Et après, il faudra le payer. Mais du coup, ça... En plus, voilà. Des jeux rétro. Ce côté-là, justement, que quand tu arrêtes l'abonnement, du coup, tu perds les jeux, ça rajoute encore plus de valeur à tous ces jeux, justement, de rétro gaming, ces jeux boîtes, et enfin, toute cette gamme jusqu'à la fin de la 360. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour les nouvelles consoles, ils fassent un truc je crois que c'est la Play 3 qui fait ça, il me semble, une mise à jour est disponible. Voulez-vous la faire ? Oui, non. Voilà. Tu veux pas faire ta mise à jour ? tu la fais pas, tu peux continuer à jouer. Mais c'est ça, la One, c'est la One, je t'impose ma mise à jour, tiens la voilà, et t'es obligé de te la manger. Non. C'est le côté Microsoft, ça. Du coup, oui, parce que Microsoft veut imposer son, comment dire, son écosystème, son écosystème et sa façon de procéder le plus possible. Tu dis chez Sony sur la PS4, il y a encore cette retenue un petit peu de te laisser la possibilité de lancer ton jeu si une mise à jour est disponible ou encore téléchargement et qu'elle n'est pas terminée ou que tu l'as pas lancée. Enfin, il y a, on lève le pied encore un petit peu chez Sony, on respecte un petit peu plus le joueur. On essaie moins de lui imposer sa vision du truc. Ouais, ça c'est sur les, sur les mises à jour de console, mais il y a quand même les mêmes temps d'installation et taille d'installation de jeu. Non, c'est Play 3, je me souviens que c'est rapide à faire. Oui, Play 3. Et Xbox 360, c'était plus rapide que la One aussi. Oui, je suis désolé, c'est pas la même époque aussi. Je suis désolé, mais les installations de jeu sur Play 3. Les installations de jeux sur Play 3, c'est horrible. Moi, ça dépendait de. Ça me le demande pas tout le temps. La 360, c'était pas obligatoire, l'installation. Tu pouvais lancer le jeu. Oui, il y avait lancé le jeu. Il y en a qui étaient longs. Je crois que c'était les derniers. Sur 360, il y avait très peu de jeux qui. Le modèle, le jeu a besoin d'installer un truc sur la console, n'existait pas vraiment sur la 360. Par contre, Microsoft avait rajouté une fonctionnalité qui te permettait, toi, d'installer le jeu sur le disque dur pour optimiser les temps de chargement. Oui, oui. Et voilà. J'essaie de me rappeler du jeu. Ça, après, pour le coup, c'est un choix. Donc, même si, comme le dit Super Barbu, il trouvait, ça le choquait moins les temps d'installation sur la PS3, on est maintenant sur une génération de consoles, donc la One et la PS4 principalement, où l'installation du jeu reste indispensable. Sans parler du démat après, parce que c'est encore une autre histoire. Maintenant, c'est systématique. Sans parler du démat, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est principalement à cause du support Blu-ray. C'est pour ça n'existait pas sur 360. C'est ça. Parce que la différence majeure entre la 3.6 et la PS3, c'est que la PS3 avait déjà un lecteur Blu-ray et que la 3.6 avait encore un lecteur DVD. Puis en retirant un peu le côté Blu-ray, on va dire en créant la connexion Internet, on va dire qu'il garde la main sur le contenu, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, c'est eux qui gèrent, ils maîtrisent tout de A à Z, et du coup, ça bloque les. Ouais, moi, ce que je supporte pas, c'est quand on t'oblige. C'est ça. T'oblige, t'as pas le choix. Mmh. Tu perds ton choix. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que t'es le chien à ta console. Sans qu'il y ait une raison apparente, parce qu'effectivement, quand tu as ton Gears 4 sur le Blu-ray. Qu'a priori, tu as au moins une version de Gears 4 qui est censée fonctionner. Même si ta console n'est pas à jour, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas tourner ce Gears-là. Je veux dire. Mais effectivement, chez Microsoft, on te force vraiment la main en permanence, limite la tête dans les chiottes. Maintenant, tu vas parler. Voilà, mon premier jeu que j'ai acheté sur Xbox One, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait, on avait déjà des jeux, mais le premier jeu que j'ai acheté moi pour la One, ça a été le Tomb Raider, The Rise of the Tomb Raider. La réédition. Magnifique. C'est le 2 du coup. Ah, c'est le 2 du reboot. Voilà, le 2 du reboot. La suite, on va dire. Pas la suite directe au moment où ça s'arrête, mais c'est 2 ou 3 ans après. J'en ai chié des pommes rouges, mec. C'est pas possible. Déjà, il a fallu créer un compte. Ouais, ça après c'est un point que je voulais aborder justement quand on revient sur le compte. Mais chez Google c'est pareil après. Ce que je savais pas, c'est que j'avais mis le CD. Vieux de la vieille, je mets le CD, j'ai envie de jouer. Je mets le CD, installation. J'ai mis 2 jours. Au bout de 2 jours, tu vois, je lance le jeu. T'es impeccable. J'appuie sur start. Rien qui se passe. Appuyez sur start. Tu peux arrêter d'appuyer sur start sur la table. J'ai appuyé sur start en fait et le jeu ne voulait rien savoir. Ça restait bloqué sur appuyer sur start. J'ai dit putain, c'est pas possible, il y a un problème avec le jeu, machin comme ça. Je vais voir le pote à qui je l'ai acheté au magasin. Je l'explique, il me dit mais non, il faut que tu fasses un compte. Et ouais. Quel compte? Il faut que tu te crées un compte sur Microsoft machin, Outlook, j'en sais rien, parce qu'il te propose Outlook. Non, c'est sur parce qu'il a fait méthode bête et méchant, il a suivi la création de compte, du coup il s'est fait refourguer un compte local, on va dire. Ce que je veux dire c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que sur les Tomb Raider, sur les jeux Square Enix maintenant de toute façon, il faut la plupart du temps un compte Square Enix. Voilà. Ouais, non, là il n'y a pas eu besoin. Si, tu t'en rends pas compte, mais quand tu es sur console, ça te crée un compte Square Enix en plus de celui qui est lié, enfin qui est obligatoire, celui de la plateforme de la console. Tu vois, comme quand il y a eu Portal sur les consoles, la sortie de Portal sur les consoles. Encore que ça avait été fait un petit peu plus intelligemment, mais c'est pareil, tu as en sous-main, tu commences par... Enfin, en gros, ça commence par le compte plateforme, donc ton compte PSN ou ton compte Xbox Live. Donc gamertag. Et derrière, ça va créer un compte Steam aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu... voilà. Donc ça fait des doublons. Et encore, on n'a pas parlé des jeux cross-plateforme après, aussi. Ah oui. Mais bon, bref, on va arrêter là. Par contre, pour en revenir toujours aux mises à jour, pour finir, c'est qu'au final... Enfin, alors est-ce que c'est... Voilà, je suis en mode vieux con. C'est que du coup, donc à l'époque de NES, Super NES, PlayStation et tout, comme ils n'avaient pas de mise à jour, c'est vrai qu'il y avait des jeux qui avaient des bugs. Mais du coup, ça avait du charme quand même. Ça avait du charme parce qu'on apprenait aussi à dompter les bugs. Exactement. Et on connaissait tous les bugs. On connaissait les... Même un truc même plus récent, la GameCube. On savait qu'au menu du démarrage, il y avait une astuce avec le logo, le menu, je ne sais pas si tu savais. Pour où tu accédais à un menu secret, si je me rappelle bien, où ça faisait une musique différente. J'ai dû le voir une fois. Ouais, j'ai dû le voir une fois. Et je me souviens qu'il y avait des manips avec le menu de boot de la GameCube. Voilà, il y a eu ça, et après il y a les jeux après 16 bits, tout ça, où tu avais des jeux où il y avait les bugs, tu connaissais, ça te permettait d'avancer, et ça avait du charme. C'était. Ouais, les bugs, ça faisait partie du jeu de toute façon. À un moment donné. Faut pas déconner. La possibilité pour les développeurs de corriger les bugs via des mises à jour, c'est une chose. Mais là où on pourrait faire un peu plus les connards, c'est que. L'absence de ce filet de sécurité là quelque part responsabilisait un peu plus le développeur, l'éditeur qui était un peu plus obligé de sortir un produit mieux fini tout de suite et surtout avec toutes les fonctionnalités tout de suite. Je pense au lancement hyper chaotique de Street Fighter 5 par exemple. Typiquement, voilà, le truc, et le truc est arrivé en kit, celui qui me redonne un jeu, voilà. Mmh. Non, mais c'est. Oui, voilà. Ils n'auraient pas sorti un jeu comme ça si ils savaient pas qu'il y avait le truc. Oh, t'inquiète, Dédé, c'est pas grave, on va faire des mises à jour. Ça c'est sûr. Et puis quand je te dis le bug faisait partie du jeu, enfin, des bugs très connus sur Mario Kart par exemple. Enfin, Mario Kart 64. Il y a des bugs qui sont ultra connus. Okay. Tu penses à la tatane que met Fabrice aux gens sur l'arène Borough en utilisant un bug de saut. Voilà. Par exemple, Fabrice, tu nous écoutes. Par exemple. Mais voilà, bon, c'est des petites choses. C'est sûr que, comme le dit Monsieur Poutounours très bien, aujourd'hui, ils se prennent tellement pas la tête que t'as des bugs dans les jeux, mais c'est des trucs de dingue. Les gros jeux, tu vois, les trucs qui ont coûté millions d'euros. Ubisoft, ils te sortent des bugs. Assassin's Creed Unity. Tous les jeux Ubisoft. Les jeux Ubisoft. Surtout sur le Unity. Tu l'as pas fait, donc je l'ai pas fait. J'ai regardé beaucoup de vidéos de bugs, etc. Où celui qui ressort le plus reste quand même Unity. Après, derrière, c'est Black Flag. Et après, c'est GTA V. C'est le seul qui se passe en France, Assassin's Creed, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Je sais pas comment tu peux investir autant de pognon et d'énergie dans un jeu et au final. Il y a plein de raisons. Hein. Les coûts de production et les échelles de production absolument phénoménales de ces trucs-là, plus le filet de sécurité derrière de t'inquiète, c'est pas grave, on va corriger les bugs, plus surtout le côté. L'intérêt économique de le sortir à date, quoi. Oui. Le calendrier, il est là, on le repoussera pas parce qu'il y a des bugs. Après, tu parles de bugs sur Unity. Moi, pour l'avoir fait, effectivement, quand tu regardes les vidéos sur le net, ils te ressortent des bugs de fou. Non, les vidéos poussent un peu. Les seuls bugs que j'ai eu, c'est à la rigueur un passant qui est à 3 mètres au-dessus du sol et qui est bloqué sur place, qui a frisé, tu vois. Enfin, les bugs que tu vois dans les vidéos, c'est parce que les mecs, ils poussent le truc aussi. Oui, mais c'est bien aussi de savoir à pousser. Oui. Pour pousser, pour savoir jusqu'où va le jeu. Alors parce que par exemple sur Unity, sur PS4, j'en ai eu quelques-uns. Oui, sur PS4. Puis au moment de la sortie, t'as joué à Unity au moment de la sortie ou plus tard? Non, au moment de la sortie. Au moment de la sortie. PC? Ouais, je crois bien. Ouais. Parce que si tu prends l'exemple de Unity, c'est si vous devez aller tout droit et ne pas voir les bugs avec les sous-quêtes, etc. Donc les sous-quêtes, pas les sous-quêtes. Continue, marche. Si tu vas tout droit et que le jeu est beau, que seulement si tu vas tout droit, mais dès que tu commences à prendre la petite ruelle de droite ou de gauche, tu vois des mecs qui sont déformés, on appelle Poutrel, tout ça, bref. Sauf que moi, je prends que les petites ruelles quand je joue à ce jeu-là. Nous, on est le genre de personnes qui aiment bien fouiller dans Last of Us, je fouille toutes les maisons, toutes les brins d'herbe, tous les zombies que je croise. Ce que je veux te dire, simplement, c'est que tu prends l'exemple d'un jeu que tu n'as pas fait, mais sur lequel tu as vu des vidéos. Où les mecs ont poussé le truc jusqu'au bout. D'accord, donc on va prendre un jeu que j'ai fait, Assassin's Creed 3. Ah, là, je l'ai fait. J'ai fini. Donc, j'ai eu des gros bugs. J'ai failli briser la manette. Ah bon? Ah, j'ai joué sur 360. Sur PC, j'ai failli casser la manette. Sur PC, fait il y a 6 mois. Et je l'ai pas fini. D'accord, parce que moi, j'ai lu sur 360, je me suis régalé. Je me suis retrouvé sur une charrette, on va dire, avec des milliers et des milliers de soldats autour de moi, à ne plus pouvoir rien faire. T'en tues un, il y en a trois qui repop. Non, c'était... Il y avait un repop... Et j'en un passe. Un repop exponentiel, c'était un truc de dingue. Sur PC, mais je te dis, fait il y a 6 mois. Donc là, pour le coup, c'était vraiment... Mais ça a été sur le moment... Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que derrière, t'as relancé le jeu, tu repars nickel, y a pas de soucis. C'était un bug. Donc bug voilà. Des bugs de saut. Tu sautes, tu dis je vais me rattraper, il se rattrape pas alors. Non, alors ça c'est pas un bug. C'est des bugs de joueurs. Ça c'est pas un bug, c'est une feature des Assassin's Creed. La maniabilité n'est jamais la même, n'est jamais... Oui, non mais voilà, c'est... N'est jamais terriblement... Mais par contre, il y a certaines mises à jour qui peuvent être bienvenues. Pour une fois qu'on dit quelque chose de positif, par exemple des équilibres d'équipe ou d'unité dans des jeux. Moi j'ai souvenir de StarCraft, World of Warcraft, aussi des mises à jour où t'as vraiment, ça te rajoute des fonctionnalités, donc tu es assez impatient de la mise à jour. Ouais. Mais bon, quand tu vois, t'entends parler de mise à jour à 40 gigas, c'est bon. Non, je sais qu'à World of Warcraft, j'ai 10 ans de WoW. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut le remettre dans la gueule à chaque. Oui. C'est pas une gloire, hein, mais. En négatif ou en positif? En milieu. Voilà, en négatif, positif. Bref. Quand les mises à jour sont là pour nerfer quelque chose, on est content. Ou si on joue le personnage qui a été nerfé, etc., on n'est pas content. Il y aura toujours des contents et des pas contents. C'est comme ça, on peut rien y faire. Pas content. Voilà. Et le problème, c'est que. Pareil, c'est des mises à jour, t'es obligé de les faire. Même si c'est des mises à jour qui t'arrangent pas. Mais attends, il y a un truc aussi, c'est que World of Warcraft, on parle d'un jeu qui est dès le début, qui est orienté online, client, logiciel, jeu client. Mmh. Et donc aussi, c'est encore un peu différent de Gear of War, où c'est vraiment un jeu solo, enfin multi-solo. Je veux dire, qui était indépendant du web. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, il faut, dans ces trucs-là, mettre à part tout le côté MMO online, c'est ça. Parce que de toute façon, c'est des jeux qui, à un moment donné, sont voués à être joués uniquement en ligne avec les évolutions qui vont avec. Et pour que le jeu dure, il faut qu'il y ait des évolutions et donc des mises à jour. Voilà, c'est une bonne chose qui est vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose pour le coup qui, je pense, est à part. Sur un MMO en plus, tu peux pas distinguer sur un MMO quand il y a un patch l'évolution du contenu. De la correction de bugs et tout, de choses comme ça qui aurait pu être évité, c'est par essence. Donc, des trucs c'est vrai qui, que les mémos, faudrait les mettre à part en fait. Je pense qu'ils sont à part. Ils se mettent à part tout seuls, vous savez. Tout ce que je demande, c'est payer les mises à jour, c'est le choix de non, je ne veux pas, oui, je veux la faire, j'ai le temps à faire. Tiens, je dis, je ne fais rien, je vais faire mise à jour de console. Microsoft s'en branle. Non, Microsoft, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Oh, il n'y a pas que je pense. Et c'est ceux qui le sont le plus, je pense. Ouais. Quand même. Mais en tout cas, c'est les seuls qui est vraiment. Qui abusent. Pour lesquels la mise à jour a un comportement comme ça, modal, obligatoire. Tu peux pas y couper. Excuse-moi, je te coupe, c'est pas la musique de Monkey Island. Tout à fait. Du coup, t'allumes ta console et t'as une mise à jour. Ça va, j'allume ma console pour jouer une demi-heure, je peux tranquille et tout. Ah ben non, t'as une mise à jour. Et puis alors la mise à jour, si t'as de la chance, tu as allumé ta console il y a pas longtemps, donc c'est un tout petit truc. Ça va, tu en as pour 10 minutes, ça passe. Mais moi je sais que je l'allume très très peu la Xbox. Je suis beaucoup plus sur PC à la base. Donc la One, je l'allume très très peu. Et si je me force pas, moi, à l'allumer une fois par mois juste pour mettre les mises à jour, je sais que le jour où je vais vouloir jouer, je vais me taper 3 heures de mise à jour obligatoire. À un moment donné, c'est bon, quoi. On est loin de la NES Mini, là, quand même. Oh, putain. C'est un autre monde. Ouais, la NES Mini, c'est une autre arnaque aussi. Mais... Bon, la Recalbox, alors. N'en parlons pas. La Recalbox, c'est encore autre chose, on n'est même pas censé en parler. C'est qui ne... Comment dire ? C'est un très beau produit, mais qui, légalement, n'a pas sa place dans le... Voilà. Bref. Pas sa place dans le marché. Voilà. Rétropaille. Et très beau produit comme ça, mais tout ce qui est à base d'émulation, malheureusement, c'est toujours un peu. Toujours un peu sur le fil, quoi. Ça a pas vraiment. Mais quand c'est bien configuré, c'est bien installé. Ah ouais, non, monsieur, c'est. C'est une tuerie. C'est magnifique, bien sûr. Dis pas le contraire. Loin de là. Allez, remontons un petit peu dans cette feuille avec les sujets de Nico qui voulait nous parler donc des rééditions, des jeux, des rééditions. en trop grande quantité, en trop grand, voilà, sur trop de plateformes. On veut nous revendre des jeux à tout bout de champ et ça t'énerve. Alors la dernière en date, que apparemment tout le monde était satisfait, mais c'est bien d'un côté, ça permet des ventes, c'est la réédition de Mario Kart qui est sortie sur Switch. Mais je suis pas content. Ça me saoule. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que c'est vraiment, je le même considère comme le meilleur Mario Kart. Ils l'ont sorti en avril. Bon, moi, j'ai la Wii U aussi. Hein. Et ben, du coup, je vais pas l'acheter parce que je crois qu'il y a juste deux circuits de plus, deux persos de plus et deux, trois fonctionnalités. Il y a le truc qui est cool, c'est qu'il y a un vrai mode arène maintenant. Dans des arènes. Oui, voilà. Et pas sur les. Moi, mais, c'est le gros truc que j'avais à reprocher à Mario Kart. C'est que depuis Assassin's Creed 4, non, je suis très très fan du battle. Et ils ont remis la plume. Et Mario Kart Wii U, ouais, ils ont remis la plume aussi. Et Mario Kart Wii U, bah, son gros problème, c'est ça. Ouais. C'est que le mode battle, c'était avec les ballons comme avant, mais sur les pistes, n'importe quoi, les mecs, qu'est-ce que vous avez fait ? La mais preuve, au final, c'est. Ouais, c'est quelques. Ils ont rajouté des modes de jeu en arène et tout, donc c'est très très cool. Mais voilà. Après, il y avait eu l'exemple dont tu parlais de Tomb Raider. Qui était un très très très bon épisode que je me suis régalé sur 360, mais ils l'ont ressorti sur Play en version HD remasterité, ouais, voilà. plus, et c'est vrai que c'est une tendance. Ouais. Hein, granité, il y a eu Twilight aussi, Twilight Princess, qui est sorti il y a 2 ans, ouais. Qui était ressorti, enfin qui était sorti à base en 2006. Alors c'est vrai que ça permet aux autres de connaître un titre qu'ils n'ont pas connu, mais bon, c'est à faciliter de ressortir. On dirait qu'il y a plus de nouvelles. Sur la série Zelda, les remasters, c'est ouf. Hein. Oh. Ah ouais. Il y a le dernier là. Il y en a plein. Non, mais t'imagines, enfin, avant Breath of the Wild, il y a eu que des remasters pendant, en gros, entre. Mince, celui de la Wii, pas terrible là. Ben si, justement, je l'attends en HD. Parce qu'il est. Ah ouais, moi je suis vraiment pas fan, mais. Comment il s'appelle avec l'oiseau là. Ouais. Sûr comparé à Breath of the Wild, ça va nous revenir. Mais bon, entre celui-là et Skyward Sword. Skyward Sword, voilà. Ouais. Entre ces deux-là, il n'y a eu que des remasters. C'est ça. The Wind Waker, Master, Twilight Remaster, Ocarina of Time et. Majora's Mask sur 3DS, Remaster. Bon. Qui est injouable sur 3DS. De quoi ? Le Majora's Mask. Ah ouais? Tu peux pas. J'y ai joué, je me suis dit, je vais me faire un Zelda. Bon, j'ai pas choisi le plus facile. Hein. Ah non? Et clairement. La maniabilité. Le mec a jamais fait de Zelda, il se prend Majora's Mask. J'ai eu joué sur la 64. Breath of the Wild. Avec la manette, etc. de 64, j'étais à l'aise. Ouais. Mais sur la DS. Mais c'est des jeux qui ont été faits pour la manette, la 64. C'est un peu particulier. Ouais, après, c'est vrai qu'ils ont voulu. Moi, ce qui m'avait choqué, pas déconner, mais. Que j'avais trouvé bizarre sur Ocarina of Time, c'est le fait d'avoir voulu utiliser gyroscope beaucoup, et en plus il y est par défaut et c'est vite pénible. Mais bon, après il y est un peu sur Blood, mais c'est juste 2-3 donjons, c'est tout, voilà. Mais cela dit, ils sont gentils avec le remaster, mais au final Nintendo paye un peu son envie de faire des trucs très très spécifiques avec les manettes, de faire des manettes qui sont tout le temps faites que pour leur jeu à eux. C'est ça. Après, je t'en prie. Vas-y. Après, au niveau des rééditions, il y en a que tu te dis waouh! Ben justement, j'allais en parler d'un. Je l'ai acheté récemment, c'est Wonder Boy. Wonder Boy? C'était le jeu que. On en parlait à la gueulante que tu as faite précédemment. Oui. Bon, et franchement, je l'ai acheté. Tu connais Wonder Boy 3? Non, je ne connais pas. Ah, il est énorme et il y a un travail qui est gigantesque. Ils ne sont pas juste arrêtés à mettre du HD. Ah. Ils ont refait. Juste pour resituer un peu pourquoi on s'est fendu la gueule avec Nico, c'est que. Pardon. La première gueulante qu'on a fait donc avec Nico sur la Switch, où Soy était présente avec nous, on parle de Wonder Boy et Nico nous explique que Wonder Boy c'est un super jeu qui est magnifique, clair. Machin c'est et tout. Énorme. Et Soy, qui ne connaissait pas le jeu, va chercher sur internet des images de Wonder Boy et tombe sur les images de Wonder Boy du premier Master d'époque. System. Master System. Oui, il était beau. Et elle regarde, elle te dit. C'est ça que tu trouves beau? Eh ouais, mais c'était de la Master System. Pour de la Master System, il était super beau le jeu. Donc voilà, du coup, le délire, parce que c'est qu'effectivement, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et du coup, tu l'as pris et tu en es. Je l'ai acheté, en plus, j'ai acheté à 20 euros. C'est 20 ou 30 euros, je ne me rappelle plus. Mais vraiment, c'est un jeu, je l'ai fini. Il y a plein de bonus. Il y a des cartes en plus. Enfin, il y a des, comment dire, des cinématiques en plus qui montrent comment il a été fabriqué. Ils ont mis plein d'animations qui n'existaient pas avant. Et il y a un travail qui est énorme. Et là, par contre, la masterisation, ouais, là, je suis pour. Mais quand je vois que c'est juste du HD. Alors, ou du truc basique, comme Rainbow Island, c'est bon. Je vais en parler d'un que je n'ai pas testé, dont j'ai eu de bons retours. Parce qu'on a. On connaît des gens qui l'ont acheté, que Barbu attendait sur la PS4. N'ayant pas de PS4, l'achat va se décaler un petit peu. On empruntera peut-être certainement la PS4 à Monsieur Pouzounours. C'est le Crash. Le Crash Bandicoot. Ah. Le remake du 1, 2, 3. Apparemment, il vaut le coup. Des retours qu'on en a eu. À part du HD. Ils ont redessiné Crash. Dans le premier, dans celui sur Play 1, le Crash, moi je le trouvais un peu pervers quand même. Ouais. Avec ce sourire machin, je le trouvais un peu pervers. Là, ils l'ont fait plus ado, on va dire. Mmh. Plus foufou aussi, parce qu'il est complètement fou. Ce personnage est fou en fait. Ouais. Et ils ont redessiné tous les décors, etc. Ils ont respecté chaque niveau. Ouais. Ils ont fait tout de A à Z comme le 1, 2, 3 d'époque. C'est vrai que du retour qu'on en a eu, il n'y a pas eu de. C'était plus fini les coins, les angles droits dans une pièce ronde, quoi. Qui est censée être ronde, mais il y a des angles droits loin, partout. Voilà. Donc, là, ils ont tout bien refait comme il faut avec la technologie maintenant. Pour le coup, c'est du graphisme pur. Ouais. Parce que de ce qu'on en a entendu, il n'y a pas eu de retouche point de vue. Gameplay, composition des niveaux, etc. La musique, donc, a été affinée, mais ils ont gardé la même, mais ils ont affiné le. Pour les gens qui aimaient beaucoup ces niveaux-là, finalement, tu retrouves les mêmes niveaux, et quelque part, c'est moins frustrant parce que si tu as envie de refaire un jeu, même remasterisé, même remis en HD et tout, t'as envie de retrouver tes niveaux que tu as connus à l'époque. C'est sûr que moi, j'ai toujours adoré Crash Bandicoot. Mais y jouer maintenant sur la Play 1, j'ai énormément de mal. Ah ouais ? Visuellement. Je l'ai fait moi. Visuellement, j'ai énormément de mal. Faut jouer sur un cathodique. J'ai mis 2 heures. On a joué sur cathodique ? D'accord. Ah oui, j'ai mis 2 heures pour finir le premier. L'avantage de l'assaut, c'est qu'on a plein de cathodiques, donc on arrive à se faire un peu plaisir. Au bout d'un moment, j'avais mal aux yeux. Au bout d'un moment, Et c'est vrai que pour le coup, c'est de l'esthétique pure, on va dire, dans le Crash Bandicoot. Mais contrairement à d'autres jeux où on te dit, c'est du. Effectivement, c'est de l'esthétique, mais ça n'a pas changé grand chose. Je vais te donner. Celui-là a eu visiblement pas mal de. Alors, juste sur l'esthétique, je vais le garder dans un coin de la tête parce qu'il y a un ou deux jeux dont je veux poser la question sur la vie à Monsieur Poutounours qui va revenir au micro dans quelques petites minutes, qui a dû s'absenter. Pour raison pour la pitance. Fallait bien qu'il y ait un couillon qui descend de chercher la nourriture auprès du livreur. Je te laisserai parler, juste finir, savoir si tu avais un avis, un retour sur le Crash Bandicoot Remastered. Globalement, ça a l'air bien. En plus, c'est un remaster qui est vendu pas cher, a priori, pas un jeu plein pot et juste moi, je suis pas objectif parce que j'aime pas trop Crash Bandicoot et je trouve pas très joli ce qu'ils en ont fait. On t'empruntera peut-être la PS4, du coup, on achètera le jeu, on t'empruntera peut-être si tu es d'accord. Mais parce que le prix d'une PS4 pour un jeu, ça fait un peu cher. Moi, c'est pareil. Justement, on parlait que c'est beaucoup que de l'esthétique et je voulais, parce que je sais que c'est des jeux que tu as achetés. En remastered, qui sont pour le coup pas du tout le même genre de jeu, qui sont des point and click. Ouais. Scam, ça va parler des jeux scam. Non ouais, c'est ça. Des jeux Lucas. Tu as tout compris. Puisqu'il y a eu Day of the Tentacle. Celui-là. Qui a été fait. Ouais, ça a commencé par les éditions anniversaires des Monkey Island. Ouais, voilà. Il y a quelques années Puisqu'on est sur le même thème. T'as acheté le Day? Le Day of the Tentacle. Je les achète tous, moi. Celui-là, c'est un des meilleurs jeux même que j'ai. Ouais. Et le remaster, du coup, c'est que de l'esthétique aussi pour le coup. Ah oui, totalement. C'est de toute façon, c'est le principe du remaster. Sinon, c'est un remake. D'ailleurs, passage. Le terme remaster, c'est forcément une remise à niveau. Est-ce que faire une émission sur Day of the Tentacle, ce sera possible? Parce que ce jeu, c'est tout à fait envisageable. Ah, il est mythique ce jeu. Peut-être. Parce que je le vois sur ton mur en plus. Je pense que... Rien que ça, j'aimerais l'avoir chez oui, moi. Oui, alors tout à fait. Donc pour les auditeurs qui ne voient pas ce qu'il y a sur mon mur, j'ai on va citer la marque parce qu'on s'en fout, un stickaz. Donc ces décorations murales qui sont faites de petits stickers carrés qu'on compose soi-même ou alors on choisit dans le catalogue sur Stickaz. Et effectivement, ils avaient à leur catalogue un purple, la tentacule pourpre, The Day of the Tentacle, et j'ai craqué parce que il est magnifique. The King of the World. Voilà, donc j'ai pas été jusqu'au bout, mais je l'ai commencé avec. Avec Super Barbu, faut qu'on le finisse. Le Day of the Tentacle. Ouais, je suis perdu. Voilà, il est complètement perdu. Je me perds au niveau des énigmes. Moi, je m'en souviens plus. J'ai la soluce dans la tête. Je l'ai pas fait. C'est pas possible. Mais je pense qu'il va falloir que je le mette avec toi pour le faire parce que moi, j'ai pas assez de tête. Quand tu pour les faire. Connais, moi, c'est des trucs que je me refais là avec les remasters ou avant avec Scam évidemment. Pour faire ça sur des tablettes ou quoi, mais moi c'est un truc que je me refais, ça me prend une heure et demie, deux heures selon le jeu, et que je les connais par cœur, de tête et tout, mais tu vois, et c'est comme un bon film, ils sont comme un grand bien. Classique. Tu te refais ça, voilà, tu joues, mais tu joues pas en fait, de toute façon c'est la mémoire musculaire presque qui, voilà, non, tellement ça. Tu les connais par cœur. Mais ouais, c'est tellement marrant, c'est voilà, ce sont des jeux cool, donc tu prends plaisir à te les refaire, ils sont pas très longs. Donc tu le finiras avec lui. Oui, je finirai avec toi, oui, pas de soucis. Après voilà, ça c'est les bons les bons remastered. Après t'as ceux qui te promettent beaucoup de choses, qui te font croire que voilà, ça change tout, et puis quand tu joues tu la sens pas venir. Tu compares sur le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est ça. Nous avons eu donc dans les années PlayStation, nous avons le premier Resident Evil. Ouais. Ensuite, nous avons eu le Resident Evil 2, Resident Evil 3 sur PlayStation 1. Après, nous avons eu sur 64 le Resident Evil 2. Tu vas pas nous refaire tout l'historique des Resident Evil là, tu nous en remets à chaque juste fois. Pour vous parce que je t'attends au tournant pour un épisode. C'est vrai qu'on est à une petite heure d'enregistrement et t'avais pas parlé de Resident Evil encore. Après, ouais, non, mais il va bien passer trois moments. Je suis un très grand fan de Silent Hill et Resident Evil. Alors, si un jour on veut faire une émission Resident Evil, on le laisse là tout seul, il fait l'émission tout seul. De God of War aussi. God of War, ça c'est mon chouchou. On essaye d'élargir un peu sa culture, mais c'est chaud. Et je sais plus s'ils ont fait le 3 sur 64, je sais pas. 64, je sais pas, je pense qu'ils ont fait que le 2. Resident Evil 2 sur 64. Ensuite, ils ont fait les épisodes GameCube. Alors là, le 1 qui était super, le 2 qui était super, et le 3 parce que super le 1, il est pas tout le même dans les 1 sur GameCube, il est super beau. Ah, mais il n'y a rien à dire. Nouvelle zone, il n'y a rien à dire. Retravailler le manoir, nouvelle zone, les skins des personnages, tout ça. Ça, c'est le bon. Il y a un travail énorme. Est-ce que tu savais qu'ils ont sorti le Resident Evil HD Remaster? J'ai entendu parler. Ah, ben voilà. PlayStation 3. J'ai entendu. À PlayStation 3. Ils ont sorti le jeu. Donc du coup, par curiosité, je l'ai acheté. Augmenté de... Là, juste la résolution qui a augmenté. Un grand fan de Resident Evil, il les achète. Si, la résolution. Rien du tout. Pour le HD. Rien du tout. J'ai mis la GameCube avec le Resident Evil 1. J'ai mis la Play 3 avec le Resident Evil HD Remastered. C'est exactement pareil. La seule chose qui change, c'est à la fin. Enfin, à la fin, j'ai même pas eu la foi de le refinir. Dans les options, tu débloques les dossiers de Wesker. Sauf que c'est en japonais, non sous-titré. Tu noteras le Remastered. T'es fan ou t'es pas fan? Du con. Non. Apprends le japonais. Apprends le japonais. Je ne peux pas. Déjà que je parle très bien anglais. Oui. Ah bah ça, comme une vache espagnole. Au faux course. Je vous sens habitué, vous deux. Oui. Parce qu'en temps normal, je me prenais des coups de fusil, moi. Nous casse les couilles à Resident Evil à chaque émission, mais sinon. Ça pour dire que. Ceci, ils disent HD Remastered. Alors, Remastered, le mec il te dit je parle super bien anglais, ça fait 4 fois qu'il dit Remastered quand même, tu vois. Ouais, mais ils le disent, c'est pas grave. C'est juste que fais attention parce que tu sais que notre chargé de com écoute l'émission et. Ouais, bah si j'aurais su. Elle va te corriger. Soyez big up. Donc, tout ça pour dire que faut faire attention, cher auditeur, à ce que vous achetez en Remastered. Par exemple. Le God of War 3 qui est déjà magnifique sur Play 3, pourquoi vous voulez l'acheter en 1080 sur Play 4? C'est exactement parce que pareil. Les gens n'ont plus la Play 3. Les gens ont revendu la Play 3, ils achètent la Play 4, ils achètent leurs jeux sur PS4. Est-ce que j'ai revendu mes Play 3? Tout le monde n'est pas comme toi. T'emmerde, on vend pas tous du shit pour remplir le frigo, mec. Non plus. Il faut revendre les consoles, quoi, je veux dire. Oui, mais moi je suis un amoureux de la console, non, peux pas vendre les consoles. Surtout la PlayStation. Par contre, il y a des vide-greniers bientôt à cet endroit. Ouvre ton esprit, bordel de merde. Mais elle est ouverte, mon esprit. S'il n'y avait pas eu le remaster de The Last of Us sur PS4, j'y aurais pas joué encore, sûrement. Oui. Mais je t'aurais pu le prêter, moi je l'ai sur Play 3. Je connaissais pas, du con. Hein? C'est bon? Oui, bon, sûrement, je sais plus. Bref, je sais pas. Non, mais à un moment donné. Bientôt, ils vont nous sortir FIFA 98 HD Remastered avec Platini et Zizou. Si t'avais vendu tes Play 3. Imagine, ça serait génial. Si t'avais vendu tes Play 3, t'aurais pu acheter une Play 4 avec. Mais ça vaut plus rien, la revente. Calmez-vous. Et on n'aurait pas été obligé de piquer ça. Ça s'appelle la gueulante. Silence hein. Ou je fais évacuer la salle. Ça vaut plus rien une revente quand tu vois qu'une Play 3, tu peux l'acheter 100 euros. Je peux pas revendre ma Play 4, ils vont me la reprendre 30 euros. Il y a un truc qui s'appelle la facilité aussi. S'il y a autant de remaster, etc., c'est aussi. Du fric. Voilà, c'est aussi par facilité du côté de ceux qui les vendent et du côté de ceux qui les achètent, faut pas déconner. Moi, tu vois, le truc que j'avais noté dans les rééditions là. Qui me surcasse les couilles, mais alors quelque chose de violent, et j'en ai été moi-même la victime consentante pendant longtemps, sont les jeux rétro revendus. Et alors là, Nintendo, je comptais en parler. Nintendo, à partir du moment où ils ont découvert la Virtual Console avec la Wii, comment te dire, carotte sur carotte, à te revendre des jeux Super NES à 6 balles, je sais pas combien de fois j'ai acheté Link to the Past dans ma vie, mais c'est trop, hein. C'est certain, c'est trop. Ah, parce que je les ai jamais acheté les Virtual Console en fait. Ah ouais, bah parce que je trouve ça abusé. Puis franchement, entre nous, c'est vrai que c'est pas très dur de passer par la case émulation. Même non, si c'est vrai que c'est pas la case légale. Mais c'est vrai que c'est tellement simple et c'est vrai que surtout Nintendo, ils abusent. Je suis un grand fan. Le jeu que tu achètes, il est émulé. Hein. Ah oui, et sans problème. D'ailleurs, marche mieux. Medavi, on le saura jamais, mais Medavi avec tous les émulateurs en code open source et tout. À mon avis, les trucs qui sont émulés sur les consoles et tout, en tout cas chez Nintendo, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faits avec, avec du code libre. Hein. L'émulateur qu'ils utilisent, c'est fait par un développeur français à Paris. Donc c'est vraiment, non, c'est un truc à part. Hein. Ça c'est pour les mini. Ah exact. Pour la NES Mini et la SNES Mini, effectivement, c'est une boîte française qui conçoit. Mais je croyais que c'était les mêmes qui avaient fait Virtual Console. Une boîte française qui conçoit. Je crois pas parce qu'il me semble que c'est une boîte assez récente. Ouais, donc les Virtual Console, ça date de la vieille Wii. Mais oui, clairement. La première Wii. Cocorico, donc la NES Mini et la SNES Mini sont développées en France. Wouhou ! Comme quoi, on a du talent. Ouais, donc on s'est un petit peu là du sujet, donc revenons sur les. Tout à fait, on était sur les rééditions. Sur les rééditions ? J'ai entendu parler de Dragon's Trap tout à l'heure. Ah ouais, parce que j'ai acheté la réédition. Et ouais. Franchement, elle est super. Ça c'est un vrai remaster. C'est et un ça truc fait fin. Plaisir. Il y a un boulot de ouf, juste si voilà. Oh, c'est français ça aussi. Achetez-le, c'est totalement français. Ouais. C'est totalement français. Achetez-le, oui, je pense que si nos jeux fétiches de l'ancien temps sortaient en HD remaster, moi c'est un jour il y a un Parasite Eve 2 qu'il y a. Ou un Parasite Eve 1 qui sort en HD, moins remasterisé. Je l'achète direct. Bah en fait, parce que c'est non. T'as vu, du coup, il a arrêté d'utiliser l'anglais, il s'est vexé. Bah juste. Mais il vaut. Attends, alors tu sais, il vaut mieux un. Par contre, pas un bon français qu'un anglais dégueulasse. Si il m'essaye de me vendre un jeu que tu peux trouver à 20 euros sur Play 1 qui t'essaye de te le vendre 70 boules. Tu finiras par l'acheter, mec. Tu l'achèteras quand même. Non, tu dis ça, mais tu l'achèteras quand même. Parce que moi, tu l'achèteras plus tard. Malheureusement, je l'achèterai. T'as acheté les Resident Evil, t'achèteras. D'ailleurs, pour en finir avec le Resident Evil Play 3, une fois que j'ai vu cette merde, je l'ai ramené direct en magasin et m'a remboursé mes 70 boules. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi parce que je suis une grande fan de FF6. Final Fantasy 6, ils l'ont sorti après en réédition sur PlayStation et j'avais pas la PlayStation, j'ai acheté le jeu. Et pour ou contre un remake de Final Fantasy 7 c'est déjà fait, non? Moi ce serait plus le 6, si sort le 6 demain, je l'achète, je précommande, j'achète le t-shirt, tout. Ouais, toi c'est le 6, moi c'est le 8. Le 8 je peux pas. Le 8 je pense qu'il le faut. Ouais, mais Barbu il a des goûts de chiottes. C'est une blague récurrente. Tout à fait. Bah, entre fan du 7 et du 8, et encore non, parce que moi mon FF de référence c'est le 9. Il est sympa, je mets en deuxième. Ouais, le 9 il est mal aimé, personne ne l'aime, personne ne le met en premier à part. Si, moi j'aime bien, mais pas en premier. Non. C'est mon côté hipster, before it was cool. C'est 6, 7, 9. Moi je les ai pas fait. C'est une autre solution pour pas rentrer dans le débat. Ben, le 8, je l'ai essayé, et je sais pas, les personnages qui volent des. Allez, recentrons le débat. On en parlera hors champ. Recentrons. De maïs. J'ai plein d'autres sujets, moi aussi. Oui, moi aussi. Tout à fait. Mais Magal n'a pas encore. Il y en a un que je remets sur le tapis depuis tout à l'heure, mais on va y venir. C'est le compte. De quoi? Oui, non, mais c'est pour ça que je laisse. On va parler un petit peu vite. Bon, allez, on redescend, vas-y. Titi, c'est à toi. Ouais, déjà c'est plus Titi depuis longtemps. Hein, toi aussi t'as changé, moi aussi d'abord. C'est bon, voilà. les gens le savent, on va le bourrer. Donc, dans un sujet dont on a déjà parlé pas mal, moi je m'en suis rendu compte là il y a pas longtemps parce que je suis un peu en train de me faire chier avec Microsoft, encore, sur l'obligation d'avoir un compte. et de se connecter à son compte pour pouvoir jouer à un jeu. En gros, t'as envie de te sortir un jeu avec les copains et tout, bah, et t'es obligé d'avoir ton compte de connecter. Et alors, un truc qui est en train de me gonfler sur la Xbox One, peut-être que vous avez une solution. Quand tu te connectes à ton compte pour jouer, parce que t'as pas le choix, t'es obligé de retaper ton mot de passe à chaque fois. T'es sûr qu'il n'y a pas une option connecté. Ah, mais c'est parce que peut-être il y a la carte bancaire d'enregistrer, non? Non. Non, non, non. J'ai essayé d'aller voir dans les options. Tu me montreras parce que je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc déjà, donc c'est l'obligation d'avoir un compte. Entre temps, donc moi j'avais mon compte sur la Xbox Chose One. Que Nintendo ne fait pas. Moi j'avais mon compte sur la Xbox One. Pas encore. Et j'ai mon compte Microsoft parce que j'avais quelques jeux dessus et compte que j'utilise parce que du coup j'ai une Surface à côté. Donc j'ai mon compte sur la Surface avec mon mot de passe qui fonctionne. Quand je vais sur le site de Microsoft, mon mot de passe fonctionne. Quand je me connecte à la Xbox One, mon mot de passe fonctionne pas. Donc là, parce qu'elle n'est pas à jour. Non, pour le coup, avec la Xbox One, t'as peu de chances qu'elle soit pas à jour. Non, il parlait de la Surface. Mais tu peux même pas essayer. Le... Si elle n'est pas à jour, tu peux même pas essayer de rentrer ton mot de passe. Non, mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'entre temps, j'ai été chez Microsoft donc pour changer mon mot de passe. Et bon, après, ça, c'est une erreur de ma part. C'est un vieux mail que j'ai oublié de changer. Donc je suis un peu en train de me battre avec pour récupérer mon compte. J'ai eu exactement la même chose. Ouais, donc mais avec, du coup, avec le délai, je suis emmerdé parce que j'arrive sur la fin du délai. Et bref, hein, ça c'est une autre histoire. Si, si, mais ils vont. Non, mais le délai, pour finir là-dessus, donc sur le compte Microsoft, quand tu changes une information de sécurité, t'as un délai pour qu'elle soit prise en compte. Mais c'est juste le délai pour qu'elle soit prise en compte. Mais c'est-à-dire que quand t'arriveras au bout du délai, ils vont te dire c'est demain, bon, votre nouveau truc a été pris en compte et c'est fini. D'accord, bah j'espère que ça va marcher. Comme ça, j'ai mon nouveau mail. Si tu veux, mail, je te fais un abonnement Office 365. Non, c'est bon. Non, non, par contre, tout ce qui est Office et tout, moi j'ai arrêté. Hein. Je suis en logiciel libre, ça marche très bien. Ouais, c'est, c'est mon boulot en fait, c'est pour ça. LibreOffice représente. Mais du coup, tu as cette obligation d'avoir un compte. Et je veux dire, après, c'est pareil hein, pour tout ce qui est jeu PC. T'achètes moi qui fais tous les Assassin's Creed. Il n'y a que le dernier que j'ai pas fini. Il faut que je le finisse parce que. Le 6. Syndicate. Ouais, Syndicate. C'est que j'ai pas fini. Là, bientôt, il y a chez les Pharaons là-bas qui va sortir. Ben bah, oui, voilà, il a l'air prochain. Bon. Hein. Origine, il a l'air super. Mais ouais, mais du coup, qu'il y a le prochain qui va sortir, il faut que je finisse le précédent. Mais attention, les images ne font pas la poulette. Ah, mais c'est clair. Mais, attention. Mais du coup. Surtout chez Ubi. C'est pareil, ouais. Je veux dire, là, t'es obligé de les prendre, ben du coup, chez Ubi, donc te faire un compte. Ubisoft. Non, Uplay. C'est pas vrai. Tu peux l'acheter sur Steam et du coup, faut installer Uplay derrière. Oui, non, mais voilà. Enfin, je vais à un moment donné. Donc, moi, du coup, vu qu'à un moment donné, t'es obligé d'installer Uplay, bah, je suis en train de les racheter petit à petit, tout sur Uplay pour les avoir complets parce que. Bah oui, mais après, ça, c'est. Le jeu, il sera pas en version boîte à Auchan ? Alors, la version boîte. La version boîte à Auchan sur Uplay. Non, enfin, la version boîte à Auchan sur PC, pardon, ouais. c'est un code sur Uplay. C'est un DVD avec un installateur en fait, Uplay. Tu peux dire ça. Après, c'est le transition. Merci, on va travailler plus souvent. Après, moi, le souci du coup, c'est que maintenant, j'ai plus de lecteur CD dans mon ordi, donc ça, c'est un autre problème. Mais tu t'en fous, t'as besoin du code. De toute façon, t'as juste besoin du code. Mais du coup, voilà, donc c'est du Uplay, donc t'es obligé d'avoir un compte. De l'autre côté, t'as un jeu, c'est du Steam, t'es obligé d'avoir un compte. C'est du Origin, t'es obligé d'avoir un compte. C'est du Microsoft, t'es obligé d'avoir un compte. Et là, avec c'est Microsoft, sur la tu Play, peux tout unifier. T'es obligé d'avoir un compte. Alors, chez Microsoft, tu peux tout unifier jusqu'au moment où un il ferme. Donné. Qui est Microsoft ? Oui, le label Game for Windows Live et les services en ligne associés ont fermé il y a un an et demi, deux ans. D'accord. Et du coup, je sais pas, Dead Rising, Dove the Record, pour prendre un exemple totalement hasard qui m'a pas du tout fait chier, empêché de jouer. Voilà, tous les développeurs ont été prévenus quelques semaines en avance en disant voilà, nous on ferme tout, on shut maintenant, démerdez-vous, mettez à jour vos jeux pour les sortir de la plateforme. Et voilà, il y a des jeux qui ne sont plus jouables parce qu'ils étaient dépendants de Game of Empires. Je sais pas, aucune idée. Mais pour revenir à ça, donc j'avais moi un jeu que j'adore par exemple sur la Xbox One, en l'occurrence Peggle 2, que j'avais sur la 360. Que j'adore ce jeu. Enfin, c'est un jeu qui te fait passer, qui est super addictif, mais qui est là vraiment pour te faire passer génial. Du temps. J'ai quasiment acheté les enfants. Moi, j'ai quasiment acheté la One pour ça. Les enfants peuvent y jouer, c'est génial. C'est un espèce de. Peggle. P-E-2-L. P-E-2-G-L-E. Arrête de mettre des S tout le temps. Peggle, il n'y a pas de S. Arrête de mettre des S. C'est un. C'est pas GoldenEye. C'est un type. C'est quoi de Donanpachi ? Non. Pas Donanpachi. Comment ça s'appelle ? C'est les un jeu de briques japonais où tu balances Pachinko. Tu vois, type Pachinko. De très loin. Mais de trilo- juste pour situer un petit peu le truc, avec des billes de couleurs et tout machin, avec des pouvoirs et tout. Donc, c'est totalement très taré, il y a des licornes qui font les fofolles, il y a des... Chie des voilà. arc-en-ciel, tout ça. Et donc, j'ai ce jeu-là... tu l'as peut-être... Oui, bah, toi, c'est la problématique que tu as eue avec Peggle 2, c'est qu'effectivement, ta console avait mon compte Peggle 2 et que avait... le jeu avait été acheté sur mon compte. Ah non, mais c'est même pire. Non, il a été acheté sur le mien. En plus, j'ai vérifié. Il a été acheté sur le mien, sur mon compte. Mais le jeu est installé sur la console, on peut y jouer. Mais vu que j'ai plus accès à mon compte, on peut pas le lancer. Je peux plus y jouer. Il apparaît. Parce que si je, il apparaît, il est là, mais il est installé. Pourquoi t'as plus accès à ton compte? Parce que la Xbox One ne reconnaît plus mon mot de passe. Calmez-vous, arrêtez de parler les deux fusionnels. Qui fonctionne? Il faut faire j'ai oublié mon mot de passe. Oui, non, mais attends, le problème c'est que j'ai plus de mail parce que c'est mon ancien mail. Voilà. Mais le problème c'est qu'en plus le mot de passe, moi, entre temps. J'ai été vérifié sur le site chez Microsoft directement, My Account, machin, hein, et sur ma Surface, la Surface est automatiquement le compte Microsoft. Donc c'est le même compte. Le mot de passe passe partout, sauf sur l'Xbox One. Et quand tu rentres le mot de passe... Et quand tu fais mot de passe oublié... Et quand tu fais mot de passe oublié... Bah, il est censé t'envoyer un code de vérification sur le mail, hein. Sauf que le mail, c'est plus le bon. Cela dit, moi j'ai eu le même problème et j'ai réussi à passer par-dessus avec le numéro de téléphone. Hein, donc, l'autre oui, mais à ce moment-là, j'avais plus de téléphone, je pouvais plus recevoir les textos. Le truc qu'on a craqué aussi, c'est le cryptogramme qui te dit si vous n'êtes pas un robot, veuillez marquer ça. Le captcha. Déjà, tu mets 5 minutes à lire le truc. Ça, ça a été la méthode pour passer par-dessus, de te dire tu passes par le captcha. On marque correctement le crypto. Tu fais le captcha 10 fois. Il me l'a jamais pris. Ça te relance le truc à chaque fois. Est-ce que je suis bien chez Nintendo, franchement? Non, mais tu vois. Ça nous a fait craquer, quoi. C'est ces problèmes-là, parce que Peggle 2, ça va, c'est un jeu qui coûte pas bien cher, qui est un truc sympatoche et tout. Je voulais faire jouer l'autre jour, on avait le petit d'une amie à la maison pour l'occuper, j'ai dit Peggle 2, ce sera parfait. Non. Et puis, il est installé sur la console et tout. Ben ouais, mais il n'y a que sur mon compte qui passe. Donc ça va que j'avais Peggle sur la 360. Non, sur le PC. Non, sur la 3.6. Non, sur Steam. Sur Steam. Je l'ai sur Steam en 2 ou 3 versions. Donc tu dis, tu passes par Steam, ça va, tu vois. Mais parce que mon compte Steam fonctionnait. Mais voilà, c'est toujours le même. Et là, tu dis, t'es bloqué pour un petit jeu à la con. Il est installé sur la console, il est déjà, il est tout. Eh ben non, mais si c'est pas le bon compte, de toute façon, t'as pas accès au jeu. Donc moi, le jour où je veux jouer à un jeu qui est installé sur son compte, si j'ai pas son mot de passe, qu'il est pas là, je peux pas y jouer. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, fait une donc console. Donc c'est devenu pas impersonnel, mais c'est vraiment dédié à l'utilisateur. Au contraire, c'est-à-dire que Microsoft vend une console familiale, etc. Par contre, il faut que l'acheteur soit là, quoi. C'est ça. Voilà. Par contre, le propriétaire compte Gold. Ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure, de dire tu n'achètes plus un jeu, mais tu achètes une licence pour un jeu. Ouais, ça c'est un fait. Ça, plus ce que tu étais en train de dire, le compte utilisateur, ça m'avait choqué avec au début de la Xbox 360, où quand tu lançais un jeu, tu faisais start, mais après tu disais, il faut que je me connecte avec mon compte utilisateur, comme sur un PC. Et du coup, ça relançait le jeu, et là, il te proposait tes trucs de sauvegarde, tes systèmes de sauvegarde. Et c'est vrai que, je reviens toujours à ma Play, à ma Super NES et Mega Drive, tout ça, mais c'est vrai que tu lances le jeu. On s'en fout de savoir qui c'est qui joue, quoi. Chacun sa sauvegarde. T'avais une carte mémoire. Oui et non, parce que... Après, t'avais les cartes mémoire qui étaient... La Mega Drive. Les cartes mémoire, pourquoi pas. Mais avant, t'avais un slot de sauvegarde. Ça suffit. Ça suffit. Trois sauvegardes, regarde Zelda 3. Si tout le monde veut jouer dessus... Tout le monde... Trois, l'autre, il achète autre chose. Non, c'est pas totalement dénué d'intérêt, cette notion d'utilisateur qui permet d'isoler un petit peu les sauvegardes, des machins et tout. Ce qui me gêne, c'est plus le fait que ça isole les achats, jeu est sur la console, quoi. Mais là, c'est pareil sur le Play Store, alors. Du coup, là, après, on va dériver, on va parler. C'est vrai, quelque part, c'est un peu ça, le Play Store, le Apple et Microsoft, on revient au Windows Store. C'est très lié au compte, souvent, et moins lié à la console. Ce que Nintendo n'avait pas forcément fait avant, tu vois, avec la 3DS, avec la Wii U, c'est que, ils ont fait mieux en faisant moins bien en même temps. C'est-à-dire que les achats étaient beaucoup plus liés à la console et beaucoup moins liés au compte. Le problème, c'est qu'ils étaient uniquement liés à la console, c'est-à-dire qu'une console qui passait en SAV, il n'y avait plus de jeu dessus, c'était mort, fallait racheter, c'était comme ça. Donc ils se sont relativement foirés aussi. Et puis le Konami, c'était un peu loin. Là, je dérive. Là. Un peu loin. Ouais, le Konami. Ça, c'est tabou, ça. C'est le fait qu'ils aient laissé le Konami sur la Switch, j'avoue que voilà. Mais tu vois, il y a des des notions comme ça ou enfin des fonctionnalités sur lesquelles la notion de compte utilisateur elle nous paraît tellement évidente. Le code ami c'est super con, pourquoi? Parce que aujourd'hui tu vas rajouter un ami, tu rajoutes son compte, son identifiant, mais tu le rajoutes via son compte, donc du coup pour cette fonctionnalité là le compte te paraît évident. Par contre effectivement avoir acheté un jeu une fois pour ta console, tu t'attends pas à avoir besoin de te reconnecter à chaque fois, d'être emmerdé si t'as pas internet, d'être emmerdé si le propriétaire du compte il est pas là pour retaper son mot de passe, ce genre de truc quoi. Genre t'achètes un jeu, il est installé sur ta console, c'est bon, enfin que ce soit parce que du coup lié à ça, tu sais, t'as tous les succès et tout qui sont vraiment liés à l'utilisateur et pas au jeu. Bon, tu te dis, bah, lui, il a sa partie, il a ses sauvegardes et tout. Plutôt que d'aller lui péter ses sauvegardes, sa partie, machin et tout, toi, ouais. Moi, je vais les reprendre. Mmh. Ah bah oui, mais avec mon compte, ah bah, je peux pas y jouer. Mmh. Alors qu'avant, le petit frère, il pouvait te niaquer ton slot. C'est sur ce qui m'est arrivé. Oui, voilà. C'est ce qui est arrivé, ma fille, elle m'a effacé les sauvegardes de Mario 3D World. Alors que j'avais fini le jeu, j'ai tout fait. Et du coup, j'ai mis un mot de passe, maintenant, mon compte... Voilà. Non, non, mais c'est un peu le problème de cette obligation de compte et ça en revient à l'obligation d'être connecté à Internet parce que si t'es pas connecté à Internet, t'es emmerdé. Encore que ça va, tu n'es pas obligé d'être gold pour tous les jeux et heureusement. Non. Disons que si tu veux jouer en ligne, oui, par contre. La dépendance au compte, elle est arrivée avec la génération d'avant, plutôt la 3.6 à PS3. Et la génération actuelle, elle a amené en plus une dépendance à la connexion Internet permanente. Et ouais. Bah après, la dépendance au compte, est-ce que sur la Xbox 360 était aussi restrictive? Un jeu qui était installé sur la 3.6, quel que soit le compte utilisateur, tu pouvais jouer quand même. Non, mais ça existait. Alors... La notion de compte utilisateur, elle est arrivée de manière un peu... Oui, mais elle n'était pas restrictive sur le jeu n'était pas acheté pour un compte, était acheté pour une console. Moi, mon ancien... Si. Les jeux live, si. Mais par contre, tu pouvais les lancer sans... Voilà. Oui, voilà. C'était moins la merde pour les lancer. Mon ancien coloc, la Xbox que j'ai appartenait à mon ancien coloc en fait, qui m'a filé. Les jeux que lui, il a acheté et installé en démat sur, oui, mais ça, sur c'est, la console, ça, c'est pas légal. Moi, j'y ai accès aussi. Oui, mais ça, c'est pas légal. Mais non. Pourtant, j'ai rien fait. Non. C'est pas légal parce qu'il t'a cédé son compte. Moi, j'ai créé mon compte et j'ai accès à ces jeux, du coup. Avec son compte à lui, tu peux toujours lancer les Gears 2, Fable 2. Ce qui prouve que la 360 n'est pas chiante au niveau du recheck des droits d'exécution. Ouais. Mais ça, il n'y a aucune console qui le fait. Imaginons qu'il y ait deux utilisateurs sur une console. Il y en a une qui achète et l'autre qui n'a pas accès, qui a un compte parallèle. La Xbox One. Je te jure. C'est bon. Non, allez, il faut la définir. Non, mais vous m'avez. Sans déconner. Il ne faut pas l'acheter. Il faut définir ta console comme machine principale du foyer, explicitement. Il faut autoriser tous les autres comptes à utiliser la bibliothèque familiale de celui qui est Gold. Il faut que tous les autres aient un vrai compte live, un vrai compte Microsoft. Pas forcément que ce soit Gold, mais un vrai compte Microsoft. Non, c'est la chienlit. Ouais. Ça, à la sortie de la console, ça allait un petit peu. Maintenant, Détail sur Peggle 2, c'était l'anecdote. Mais c'est pas le seul jeu qui pose problème. Et le Peggle 2 est typique de ce que fait la Xbox One sur tous les jeux. C'est-à-dire que acheter avec mon compte Tilissa à moi... Ah mais attends, Peggle Cup, c'est pas le jeu dessin animé là? Si, ça fait un peu dessin animé, on va dire. Il y en a un qui fait un peu dessin animé années 30, cartoon. Non, ça c'est Cuphead. Voilà, mais celui-là, c'est limite le jeu qui me ferait acheter la Xbox, tellement il a l'air énorme. Bah il va sortir mais sur... Par contre, si Super Barbu, du coup, que mon compte marche plus, quand lui se connecte avec son compte à lui, parce qu'il a son compte à lui, il se connecte, son compte à lui se connecte nickel et tout, il lance Peggle 2... en gros, il y a marqué. Merci de mettre le CD. Merci de mettre le CD ou de rentrer le code d'achat du jeu. Oui, parce que t'as pas la licence. À un moment donné, le jeu il est sur la console. Non, mais en vrai, il y a des. Faudrait qu'on regarde un peu. Il y a des solutions. Oui, il faut qu'on regarde. Mais c'est juste que c'est chiant, quoi. Sur la 3.6, par exemple, quand par exemple tu te connectes à ton compte, tu joues à un jeu, tu sauvegardes, tu éteins la console. Moi, demain, je viens, je me crée un compte sur ta 3.6. Je veux jouer au même jeu que toi. Mais en fait, si je me connecte avec mon compte et que je joue avec ton jeu, le jeu est vierge. C'est ça. C'est-à-dire que je vais avoir ma propre sauvegarde. Ça, c'est et toi, quand tu te feras reconnecter, tu auras ta sauvegarde qui est là. C'est ça. Ça, je trouve ça génial. Mais toi, tu parles de sauvegarde dans le cloud. Moi, c'est sur disque dur. D'accord, ok. Elle n'est pas connectée. Ça, c'est la notion normale de compte utilisateur. On est bien d'accord avec ça. Ça, je trouve ça, c'est super. Et d'ailleurs, le point commun de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment la maîtrise d'infrastructure qui est gérée par le constructeur et plus par nous. Enfin, je veux dire, comme on perd l'appartenance. C'est ce qu'Internet apporte. Donc, les mises à jour, les comptes utilisateurs, la dématérialisation. C'est vrai, le sujet de Peter, c'est basé là-dessus au final. On aurait pu parler de cette. tentative qui a eu un peu le vent en poupe pendant un moment, les passes online. C'est-à-dire que certaines fonctionnalités, principalement la partie multi d'un jeu, étaient distribuées sous la forme d'une licence, un code que tu avais avec le jeu. Mais c'était Mortal Kombat sur les consoles, voilà. Ouais. Et le but totalement avoué, c'était de tuer l'occasion en dévalorisant le jeu à la revente, puisque si tu le revendais à quelqu'un, il était obligé de racheter un pass online en général pour 10-15 euros. Ouais, en général pour 10-15 euros. Electronic Arts a beaucoup pratiqué ça. Mais voilà, pour 10-15 euros, pour pouvoir utiliser l'intégralité des fonctionnalités du jeu. Voilà. Bon, fort heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont dû en vendre 2,5. Je pense que les gens ne sont pas trop laissés faire avec ça quand même, mais c'est fini en tout cas. Voilà. Je suis sûr que quand tu entends tout ça, tu dis Retro Gaming, il y a des beaux jours devant. Mais il a implanté le rétro, le jeu rétro est encore présent et il y restera pour un bon moment. Ben, tu sais que à un moment donné, je me disais justement, allez, vers 2015, ça va s'arrêter, c'est une mode. Mais au final, je me dis que plus ça va, enfin, il y en a encore effectivement pour un moment. Mais ce qui va peut-être redescendre, c'est les proportions que ça a pris Au niveau des prix. En termes de mode et au niveau des prix, etc. Aussi, ouais. Ça, à un moment donné, les choses sont cycliques, ça va baisser. Malheureusement, ça, à mon avis, si ça repart, ça repartira pas tout de suite. Mais oui, l'intérêt, dans le cinéma, dans la musique, l'intérêt de ce qu'il y a 30 ou 40 ans n'a pas baissé. Donc, il n'y a aucune raison. Quoi. Les jeux d'avant, ils sont pas moins bien. Hein, surtout au niveau musical, quand même. Musical, c'est bien conservé. Les films, ça perd un peu. Oui, mais il y a le même process. Ouais. Regarde les remasters Blu-ray, les machins. Oui, mais comme au bout d'un moment, je pense qu'il y a. Il y a exactement le même processus. Il y a une fatigue. Non, parce que le principe d'un film, c'est toujours un jeu d'acteur avec des effets spéciaux. Et je pense qu'au bout d'un moment, à part voilà, des Star Wars et 8 films. Non, mais c'est vrai, c'est toujours les mêmes films qu'on voit qui sont rediffusés. Oui. Mais à part ça, je pense que les films, ça se perd quand même. Mais la musique, il suffit de voir. Les musiques par exemple d'ambiance de soirée, de fête et tout ça, c'est toujours les mêmes, elles sont figées dans le temps, c'est toujours les mêmes, mais c'est vrai, c'est toujours les musiques disco, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont, donc c'est vraiment figé, et ça je pense qu'il y en a pas au moment en fait. Ça c'est et les jeux, je pense qu'il y en a encore aussi pareil pour un moment. Ouais, mais bien sûr, mais c'est comme honnêtement à mon avis tous les médias se ressemblent. C'est-à-dire, t'as les grandes œuvres qui traverseront un peu plus le truc, qui seront remakées, remasterisées, etc. Et puis d'autres trucs qui vont se perdre. Et après d'ailleurs dans le rétro gaming, il y a aussi le côté extrême, parce que le côté rétro d'être à fond sur les jeux Atari 2600, les jeux tout ça, ça par contre je pense qu'effectivement ça va disparaître ça. Ouais, non, pas forcément. On peut te présenter des gens qui te montreront que c'est très loin, je parle pas en collection, je parle de prendre du plaisir à jouer, c'est vrai, avec des jeux. Mais parce qu'il y a des grandes œuvres aussi là-dessus, sur toutes les machines. Ouais. Encore une fois, bon, l'Atari 2600, c'est peut-être pas le. Ouais, je suis allé un peu loin. C'est peut-être... Non, puis surtout, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il y a. Ouais, Amstrad CPC, tu vois. Il y a rien de phénoménal. Ouais, Amstrad CPC, c'est pareil, il y a rien de phénoménal sur ces machines. Voilà, tu vois, c'est ça, rien qui est transcendant. Mais bon, ça existe. Regarde Pong, par exemple. Tout le monde connaît Pong, même des gens qui n'y ont jamais joué. Alors que pourtant, c'est plus vieux que tout le reste. Allez, on continue. Est-ce que quelqu'un a un sujet éventuellement, ou est-ce que je remonte sur ma fiche? Moi, j'en ai un. Allez, vas-y. Alors, c'est sur l'isolation. Alors, c'est. Non, barbu pas Alien Isolation. Je te vois arriver. De quoi? Non, c'est une petite vanne. Pas ce jeu, non. Non, je vais pas parler de World of Warcraft. Ni de Resident Evil. Il est perturbé. T'as dit isolation et Alien Isolation. Non, désolé, j'ai anticipé peut-être un d'accord. petit peu. Pardon, continue. Non, c'est qu'en fait, c'est que j'ai remarqué que les jeux vidéo maintenant tendent un peu vers un côté d'isolation. Alors pourquoi je parle là-dessus ? D'isolement, du coup, peut-être. Voilà, d'isolement plutôt. D'isolement, donc déjà, on a le multiplayer. Le multiplayer, avant, c'était deux manettes, on joue sur le même écran. Ou c'était en salle d'arcade où on allait physiquement, se rencontrer, on regardait l'autre jouer, il y avait un partage qui se faisait, qui était social. Et c'est vrai que maintenant le online ou même en LAN, ça se faisait en LAN. J'ai pas pensé le LAN, j'ai vraiment pas pensé du tout, tu vois. Ouais, mais là par contre c'est plus le côté e-sport maintenant. Maintenant oui, mais avant la LAN c'était une soirée entre potes. C'est vrai, parce que je faisais jeune aussi, donc. C'est ça. Et c'est vrai que du coup maintenant voilà, c'est beaucoup de jeux online connectés, il suffit de voir tous les e-sport, d'ailleurs c'est online, et c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté social, c'est chacun chez soi, et ça je trouve ça un peu dommage. C'est comme là, moi je sais que j'ai connu des personnes qui au lieu d'acheter une console pour ses enfants, ils achetaient une console par enfant, une PlayStation par enfant, Et chacun a sa console. Une console, le salon par enfant. Oui. Ah merde. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et ça, je trouve ça dommage. Salon. Non, non, c'est dans la chambre. Aussi, mec. C'est dans la chambre. Et ça, je trouve ça dommage parce que du coup. Oui, c'est 400 boules. Ah, il faut. Voilà. Ça, hein. Et ça, c'est, je trouve ça dommage ce côté de. Moi, je sais que je répète voilà, souvent à mes gamins que jeux vidéo, c'est bon quand c'est partagé en fait. C'est vrai que c'est. Rappelons qu'en français, si on dit console de salon, c'est parce qu'elle est dans le salon. Souvent. Non, pas dans la chambre, dans les chiottes. Non, mais c'est console fixe. On dit console de salon. Console fixe. Oui, mais l'air de rien, le terme console de salon en français, il est encore pas mal. Oui, à mon avis, ça. Et à juste titre, parce qu'effectivement, souvent, la console fixe, voilà, la console qui est dans le salon, elle est à tout le monde maintenant, souvent. Elle n'est pas utilisée que par les enfants. Exactement, voilà, jeunes, il y a un côté de partage. C'est pour ça qu'après, on revient sur elle est sur la télé du salon, donc un appareil qui est en général le plus grand de la maison quand il y en a plusieurs dans une maison. Et ça se partage en famille. Elle est dans le canapé. On parle de la télé. Oui. Non, parle pas de ta bite, non. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a pas longtemps, j'ai posé une question à Monsieur Poutounours sur. J'ai perdu le nom du. Si sur Splatoon 2, qui est sorti sur la Switch, en lui disant, mais Splatoon 2, enfin, est-ce qu'il y a un mode, un canapé, un mode salon, quoi. Voilà. Et il me dit non, c'est que du online. Si il y a un mode local avec plusieurs Switch. Oui, mais avec plusieurs Switch. Encore une fois, avec plusieurs Switch. Non, mais tu peux pas jouer à deux en splitté sur le même canapé. Eh ben, c'est pour ça qu'on a préféré acheter ARMS que Splatoon, d'ailleurs. Oui, parce que ARMS, effectivement. À côté de ça, l'autre fois, pour l'assaut, donc on a fait un tri dans les jeux, dans les machins et tout. Et on est retombé sur les buzzers de Buzz. Des jeux de quiz Buzz sur Play. Sur Play 2, là. Et sur les micros de SingStar. Et moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est ce que j'ai dit à M. Pouton. J'ai dit, putain, à l'occasion, il faut qu'on se fasse une soirée comme ça. On revient SingStar. Social. Parce que un SingStar, un Buzz, c'est super. Enfin, voilà, tu tapes un bon délire, t'es plusieurs là, calés sur le canapé, sur des chaises, par terre, sur des poufs. Hein, t'es ensemble, tu partages, tu fais les cons, tu te fous de la gueule de l'autre qui a mal répondu ou qui chante mal, mais parce que c'est dans le jeu, tu vois. Mais putain, t'es tous ensemble, quoi. C'est ça. C'est tous ensemble, tu passes un bon moment, tu manges un morceau, tu bois un coup, tu joues, tu déconnes, tu. Putain, c'est ça. Ça a été le succès de la Wii, tout ça. Hein. Mais même bien avant, la Dreamcast, on se faisait du Phantasy Star Online. Il fallait pas être connecté, on jouait à 4 sur un écran 4 ou 5, on se cramait pas les yeux. Online. Oui, mais le jeu s'appelait Online parce que tu pouvais te connecter en ligne. Avec... C'était le hack de la GameCube d'ailleurs. Voilà, du coup, après ça, il y a eu la 64, Mario Party. Ah oui. Mario Party, c'est vrai que c'était vraiment un très bon jeu. Et j'en citerai d'autres où tu pouvais jouer à 4 sur 64, je les connais pas tous, mais Forsaken, qui est un très bon jeu. Tous. Mais moi, c'est vrai que du coup, c'est compliqué à jouer, mais qui est super. J'avais oublié Forsaken. Oh là. Voilà, c'est, quand je te dis qu'il a une culture un peu très ciblée. En fait, c'est qu'il me dépoussière. C'est ça. Non, mais c'est vrai que sur du jeu, effectivement. Du Golden Eyes. Il n'y a pas de S. Exact. Je te fais bouffer le S. C'est vrai qu'après, il y a des jeux ou des jeux d'aventure, des jeux machin que tu vas faire seul, effectivement. C'est pas pareil, c'est si je joue solo, c'est autre chose. C'est différent. Mais des jeux multi, effectivement, moi, c'est des choses que je rapprocherais. Je m'inscris en faux sur les jeux d'aventure, les enfants. Sur. Quoi ? Oui, je vois ce que tu veux dire. D'aventure, c'est typiquement le truc auquel tu ne joues pas seul. C'est pas le bon type. Non, moi, je pensais au point and click. Voilà. C'est ça que je alors ça oui, ça peut se jouer en multi, j'ai déjà vu ça. Mais oui, moi les point and click, j'en ai fait énormément avec Monsieur Poutounours où on les faisait ensemble. C'est énorme. C'est deux, alors effectivement, t'en as qu'un qui va tenir la manette ou clavier souris selon le support de jeu. Mais effectivement, t'es à deux à réfléchir, à dire tiens, on va essayer ça, on va essayer ça. Et c'est ce partage-là. Et moi, c'est vrai que dans le jeu multi, à la rigueur aujourd'hui, quand je vois l'évolution du jeu multi, eh ben, je rebascule sur du jeu de société plutôt que sur du jeu exactement. Vidéo. En fait, pour avoir ce partage là dans la même c'est pas vrai, il y a Overcooked aussi. Oui, non mais voilà. Après tu as Overcooked, j'ai entendu parler d'ailleurs. Parce que franchement, il est sur. Franchement, prends-le, tu vous allez vous éclater. J'hésitais entre ça et Ami Setsuna là, alors honnêtement, Overcooked maintenant qu'il est sur Switch, vas-y. Les yeux fermés, il est génial. Sincèrement. En plus, c'est la version avec le DLC et tout là, donc. Et après, tu as des jeux qui sont totalement inattendus, que tu vas jouer à deux, mais qu'avec, comme tu as dit, Tilissa, avec une seule manette. On a fait FF10 à deux. Ouais, ça peut se faire. Même en faisant une aussi. Quête alternative. Mais là, c'est plus de la collaboration, en fait. FF10, j'ai plus regardé jouer qu'autre chose. Non, tu m'as aidé à faire la quête des captures des monstres, celle qui me prend 10 heures facilement. Je notais sur un papier le nombre de monstres qu'il avait buté, si tu veux, en niveau d'aide, j'aurais pu faire seul. Tu le fais à deux. Non, mais c'est vrai qu'après, t'as tous les jeux type... Gnome, des jeux comme ça où narratif, les Walking Simulator d'une manière générale, c'est ça. Tout ce qui est très narratif ou très narratif comme ça, ou tous les The Witness est super. Avec toi, j'avais fait The Wolf Among Us. Ouais, tous ces jeux-là. Ouais, The Wolf Among Us, ça c'est cool. Les Telltale, c'est plus compliqué pour jouer avec son ou sa partenaire ou un pote ou quoi, parce que il y a la prise de décision minutée dans les Telltale qui peut être un petit peu gênante. Alors que c'est pour ça que les point and click sont bien. Mais c'est des jeux où tu peux quand même plus ou moins les partager. Ah ouais, bien sûr. Parce que ce sont des histoires avant tout et que celui qui ne tient pas le contrôleur se sent pas seulement spectateur. Oui, c'est ça. Tu peux t'impliquer dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est des jeux qui, à la base, sont pas des jeux multi, pour le coup. C'est ça, mais tu collabores parce qu'il y a des énigmes, il faut réfléchir. Mais c'est vrai quand t'as deux cerveaux, ça va plus vite qu'un seul. Carrément. Mais c'est vrai qu'après, voilà, comme tu disais, du coup, parce qu'on va revenir sur ton sujet de base, c'est qu'effectivement, malheureusement, beaucoup de jeux multi se font quasi exclusivement en ligne. Ouais, c'est ça. Donc chacun chez soi, derrière son ordi, sous son... Moi je trouve que c'est quand même un peu du foutage de gueule, parce qu'ils disent jeu multi, seulement dans un espace complètement imaginaire, mais en fait, au bout d'un moment, tu crois que t'es pas tout seul en fait. Même si t'es tout seul dans le salon. Et en plus avec des inconnus, donc quelque part... Avec des inconnus qui t'insultent, qui toutes les galères qui vont derrière, les Kevin, Kevin. Si vous avez déjà essayé de jouer à Dota... Voilà, un jeu. Par exemple. Tu te mets un. Comment il s'appelle déjà? C'est un petit peu là. Les Call of Duty. Les Call of. T'es un jeune joueur, t'as toujours vu Call of, tu dis, bon ben je vais essayer, tu arrives en ligne, tu te fais massacrer ou alors tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Ouais, mais ça par contre. Tu te fais traiter de trou de balle. Parce que tu joues avec des inconnus. Tu joues pas avec tes potes. Après, t'as les communautés. Et t'as le côté sociable aussi. Mais pour peu que t'as pas d'amis. Et oui. T'es obligé d'aller chercher des inconnus. C'est vrai. Donc, du coup. Alors là, du coup, si tu pars sur ce postulat-là, tu vas à la salle d'arcade. C'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est que on mettait le jeu multi en ligne par opposition à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire le multi local. Si tu pars sur l'idée de dire, mais de toute façon, si t'as pas d'amis, tu vas jouer en ligne, mais de toute façon, tout seul, t'aurais joué chez toi tout seul. Tu mets une manette dans chaque main, t'as l'impression d'être moins seul. C'est ça. Ou t'apprends ton chat à jouer. Quoi. Donc, non, mais voilà. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est même si tu joues avec tes potes, au final, t'es quand même chacun chez toi, tu te retournes au bout d'un moment en disant, je vais boire un coup. Tu veux une bière Tu veux une bière? Ah j'en ai pas dans mon frigo. Ah c'est dommage, moi j'en avais, tu vois. Tu commences à parler tout seul, tu pars en schizophrénie, tout ça, tu finis en famille, bref, voilà. Donc c'est un peu compliqué. On est bien dans le côté vieux con, là. Allez-y. On est nickel dedans. Parce que vous êtes moi, si un jour, moi demain, je vous appelle, je dis, allez, on se fait un Mario 3 sur... Mario Party 3 sur 64. Non, le premier. Le 8. C'est lui. Je l'ai pas, le 3, je t'ai déjà dit. Bon, le 2. Le premier. Bon, on se fait un Mario 4, le Mario Party 4 ou le 5 sur le cube, même si c'est sur le cube. Pas le 9, par contre. On a 4 manettes, on les enfile et puis voilà, quoi. Les manettes dans la console. Vous formalisez pas pour son vocabulaire. On n'est pas vieux con, c'est juste qu'on a grandi avec notre époque et on a vu l'évolution des jeux vidéo de 87 pour certains, 84 pour d'autres. Et même encore pour toi, Nico, qui a été donné les années de naissance. Voilà, oui. Vous, déjà, j'ai pas précisé 87-84. Ah. Ah. Oui, non, mais t'as l'air de dire que t'étais plus jeune, alors à un moment donné, déconne pas. Donc voilà, c'est juste qu'on a vu l'évolution du jeu vidéo. Et moi, si demain on me traite de vieux con du jeu vidéo, je dirais oui, vieux con et fier de l'être. C'est notre génération qui arrive. Notre génération. Après, qui auront leur propre jeu. Le mec qui dit ça, c'est quand même le mec qui a joué 10 ans à WoW. J'ai joué. Alors justement, je vais en parler. On va en parler online. Ça, je veux pas. Mais non, c'est pas autre chose. On est en train de parler de multi. Non. Excuse-moi. Après, pourquoi j'ai joué à WoW? Après, ça passe. Il y a des trucs derrière. C'est pourquoi j'ai joué à WoW, parce que il y avait ça derrière. On va pas détailler. On n'est pas là pour faire la pique analyse. Voilà. Non. Merci. Vas-y, Nico. Donc, ouais, donc en fait, il y a, au niveau de l'isolement, donc il y avait ce côté-là. Il y avait, il y a l'autre côté, donc des MMO, où justement, c'est un jeu qui est. Bon, je vais penser évidemment, comme tout le monde, à World of Warcraft. C'est des jeux qui sont géniaux, je reconnais. Il y a tout. Et en plus, le gros souci qu'il y a avec ces jeux-là, c'est quand on éteint le PC, le jeu, il continue. Ce qui nous force, justement, à ce qui nous donne envie à rejouer. Et il y a une telle organisation, il y a tellement de choses, que du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, de temps, de temps. Et ça prend sur la vie sociale. Moi, je sais, j'y ai joué pendant un an et demi, mais beaucoup, énormément même. Et c'est vrai que ça m'est arrivé à l'époque de réduire ma vie sociale par rapport au jeu. Pour justement, je sais que des amis m'appelaient pour sortir, je disais que j'étais fatigué, mais bon, en fait, non j'étais pas... Moi, je disais que j'étais malade. Nous, on a eu une époque où on se voyait régulièrement avec les bandes de copains, machin et tout, puis t'appelais Super Barbu. Ah ben non, j'ai raid. Oui, j'ai raid. Ah, j'ai raid, oui. J'en ai pas venir. Non, je me suis jamais mis dans les raids. Tous les samedis soirs. C'est ça. Tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs, il avait raid, donc toutes les soirées qu'on faisait, il y était pas. Ouais. Donné, c'est ça le problème d'être raid leader, d'être ouais, tu l'as bien voulu. Le personnage indispassable parce que j'étais le soigneur. Oui, mais tu soigneur de tank. J'étais pas devine quoi, j'étais le prêtre donné, aussi. Si t'es raid leader, tu leur dis soit on fait pas raid ce soir, soit on fait un autre soir. C'est ça. À un moment donné, c'est toi qui prenais les décisions de te couper de ta vie sociale physique pour t'enfermer dans le jeu. Oui, mais attention à ne pas confondre entre raid leader qui dirige le raid. Chef de guilde qui impose l'heure de raid. Ah mais là, ça se professionnalise. Donné, mais c'est à un moment donné, ça reste c'est plus un choix. Vidéo. À un moment donné, ça reste un travail. Choix personnel c'est un travail. De se couper. Non. Parce que moi, j'ai eu engueuler des mecs qui disent pourquoi tu fais pas ton boulot comme il faut, machin. C'est ça. Quel boulot ? C'est un jeu vidéo. Si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de déconnecter, je déconnecte. C'est bien ce que je dis. Me casse pas les couilles. Sauf que le jeu, il s'arrête jamais. T'as fait le choix à un moment donné de te couper. De ta vie sociale physique pour t'enfermer. C'est pas des ostentacles la musique. Tout à fait. Pour t'enfermer dans cet univers. Je reconnais. De jeu. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est ça et que encore je une fois, pour ne pas en débattre là de ma vie d'avant. Non, je parle pas que de ça, c'était mais. C'était avant, pourquoi j'ai atterri là-dedans à cause de tout ça. Je te parle des soirées qu'on faisait il y a 2 ans et demi. Hein. Malheureusement, après, ce qui s'est passé avant, c'est pas avec les. J'ai rencontré ma femme sur World of Warcraft. Ça, c'est bien, j'ai rencontré des très bonnes connaissances sur World of Warcraft. Oui. Elles sont toujours là. Oui, dire, ça c'est sûr. Elles sont toujours là. Mais on va dire que physiquement, qu'on le veuille ou non, ça isole. Ah mais bien sûr. C'est pas que je reprends mon exemple de la salle d'arcade où on se faisait des connaissances, tout ça, mais c'est vrai que ça isole. Et le troisième sujet qui est lié à ça, c'est la VR. C'est quelque chose qui est révolutionnel, qui est génial. Enfin, pour moi, il faut que tout le monde l'essaye. Comme ça, tu peux avoir un avis. Tu dis pas un avis négatif, positif, tout ça. Mais qu'on le veuille ou non, moi je sais que j'adore l'utiliser, mais c'est pas prêt de rentrer chez moi. C'est clair. Et comme c'est vrai que je pense dans quelques années, je vais avoir un adolescent chez moi. Je sens que je vais devoir me battre pour pas que ça rentre, mais après, c'est compliqué. C'est vrai que ça isole encore plus. Là, tu vois, le coup de la collaboration, d'énigmes et tout ça, là, on est à l'opposé total. Et non. Ah. Et non, malheureusement, je suis obligé d'intervenir. Le débat, ça y est. Non, tout simplement, il y a de très bons. La VR offre de très bonnes expériences en coop ou en versus, mais justement, contre ou avec les gens qui sont à l'extérieur de la VR. Ah oui, ça on a testé. Tu parles du jeu sur la Play là qu'ils ont sorti ? Je sais pas, le catalogue PlayStation je le connais pas, voilà. Mais sur ce qu'il y a sur PC, en tout cas moi j'ai un Vive donc c'est ce que je connais le mieux. Je pense à Black Hat Coopératif par exemple, qui est un jeu d'infiltration on va dire, qui se joue à deux, un qui est au casque et qui avance dans le labyrinthe, et un autre qui est sur le canapé ou devant l'ordi machin et tout et qui voit la carte et qui doit interagir, communiquer avec celui qui est en VR. Sur le gameplay, mais si tu regardes bien, il y a quand même une isolation qui se fait entre le joueur et la réalité, un isolement. C'est-à-dire que normalement, quand tu joues avec la VR, tu joues avec un casque. La plupart. Pour une expérience. Voilà, fond, pour oui. vraiment être immersif. Et il y a quand même une coupure. Enfin, je sais que j'ai pratiqué dans un manège, j'ai pratiqué le. le Grand 8, j'ai pratiqué un jeu dans l'espace aussi, avec l'Oculus Rift, et c'est vrai que t'es coupé de tout, par contre c'est énorme. C'est clair que c'est énorme. Ouais, mais ça au final, ce serait comme dire que t'es isolé quand tu vas au cinéma parce que, exactement, parce que oui. t'es dans une mais salle qui est toute noire oui. et que t'es obligé de fixer l'écran. Oui. Et, et je suis d'accord c'est avec une, toi. C'est une forme d'expérience différente. Après, ah non, par contre, oui, c'est une bonne. C'est ce que je dis. C'est une très bonne expérience que je conseille vraiment à tout le monde d'essayer parce que c'est énorme. En termes de multi, on parlait tout à l'heure des LAN par exemple, où à un moment donné, c'est génial parce que t'es tous dans la même pièce, t'as envie de boire un coup, t'as les potes à côté, tu bois un coup, tu manges un morceau, tu discutes, tu t'insultes, tu t'envoies des trucs à la gueule, tout ça, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner, les LAN ça finissait comme ça. Quoi, trop. Bon, mais t'es quand même finalement derrière ton écran, l'autre derrière son écran, machin et tout. Au niveau de la VR, j'ai un jeu, alors j'ai plus le nom, Monsieur Poutounours va m'aider, auquel on avait joué, où t'as plusieurs mini-jeux, mais j'en ai un en tête, par exemple, où t'as le mec qui a le casque qui est au centre d'un... Ruckus Ridge. Voilà. Où t'as le mec qui est au centre d'un espèce de désert avec juste des pierres, et les autres joueurs avec les manettes sont autour. Donc le mec, il est au milieu du salon, t'as le canapé, t'es autour de lui. Donc à un moment donné, si tu veux t'insulter, t'arrêter de boire un coup, t'es quand même ensemble. Et donc, bon, en gros, le but, c'est d'aller le choper sans te faire voir. Bref. On n'est pas là pour détailler le jeu, mais du coup, c'est quand même de la multi, t'es quand même ensemble. Parce que le mec qui est au milieu, s'il a envie de te traiter d'enfoiré parce que t'as réussi à le choper, comme dans une LAN, il va le faire, en fait. Il va être à côté de toi et tu dis, bon, bah allez, viens boire un coup, tu trinques la bière, tu trinques, t'es à côté. Donc, tu as quand même si physiquement, t'es derrière ton casque, mais au final... dans une LAN, t'es chacun derrière ton écran et ton clavier. Ça, oui, oui. Tu vois ce que je veux te dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, au final, c'est pareil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, il y a quelqu'un qui joue avec toi, qui fait, je prends l'exemple de Zelda, même si ça n'existe pas en VR. Si tu vas jouer avec quelqu'un qui joue à Zelda à côté de toi, tu le vois, tu peux le faire arrêter, tu peux lui demander qu'il te parle en même temps, qu'il te raconte, qu'il te passe la manette. Là, t'as quelqu'un qui, sur son casque, a joué à Zelda. Tu sens qu'il est vraiment, pas dire enfermé, mais tu sens est dans son monde en fait. Oui, je vois ce que tu veux parce dire. Parce que c'est tellement immersif. Et en même temps, je reconnais que c'est énorme. Comme c'est immersif, c'est trop bien fait. Oui, effectivement, le côté. C'est le seul côté négatif, par contre, je trouve ça que c'est. Que même, je vais dire, depuis A3D, il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi révolutionnaire qu'avec la VR. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est, malheureusement, ça en est encore à un stade. Qui a du mal à avancer à cause de son aspect technique, financier, de la place que ça prend, de machin et tout. J'ai peur que justement ça avance assez peu. On verra ça dans un an ou dans deux ans, mais c'est vrai que c'est intéressant. Dans le meilleur des cas, il est possible que la VR, ça soit destiné à des activités d'attraction, quoi. Que ça soit dans des salles spécifiques. Eh ben alors, justement. Je reviens là avec les salles d'arcade, mais je pense que ça peut être un renouveau des salles de jeu, de proposer de la VR. C'est un petit peu ce qui se passe déjà. Et je pense que ce serait pas mal de faire essayer ça, que ça soit ponctuel un peu aux joueurs. C'est un petit peu ce qui se passe déjà parce que la problématique est la même. Si le jeu vidéo était dans les salles, c'est parce que c'était sur des machines qui coûtaient cher et qu'on n'avait pas la place de mettre à la maison. C'est exactement la même chose avec la VR, c'est que ça coûte cher et ça prend de la place. Donc c'est pour ça que naturellement ça se retrouve dans les pôles d'attraction comme ça, et puis on verra. On verra bien ce qu'il en est. Ça, après, c'est un autre débat. Peut-être revenir dessus dans un an, un an et demi, voir l'évolution. Mais c'est vrai qu'en tant que vieux con, c'est vrai que je trouve ça dommage. non, mais c'est vrai. C'est surtout la nouvelle génération. Je la vois arriver, je les vois faire et je vois un peu notre génération où on a été plus proche physiquement. Et je trouve qu'il y a moins d'émotions partagées. Parce que les manettes étaient plus courtes. Alors il y avait des fils d'1,50 m à peu près. Donc maintenant, c'est du sans fil. Physiquement plus proche de nos consoles. C'était la Mega Drive, je crois, qui avait les câbles courts. La Mega Drive, les câbles étaient assez courts par rapport à d'autres. Je crois que le pire, on l'a pas eu, nous, mais c'était la Famicom avec ses câbles soudés. C'est moins d'un mètre, je crois. Adapté au marché japonais et aux petits espaces. Petits espaces de vie au Japon. Moi j'ai mieux, j'ai un câble de Play 3 de 20 cm. Et comme ma manette ne tient plus la main. Évitez de nous parler de ton 20 cm s'il te plaît. 50, si t'abuses. Ah. Ouais, je suis collé à l'écran quand je joue. Écoute, t'as qu'à changer ta manette à d'autres moments. Bref. Bref. Paye ta manette. Play 3 en plus, c'est sans fil la Play 3. Mais oui, mais elle est jamais chargée. Ça ah oui, ça c'est ton problème, mec. Sans pantalon. Du coup, pendant qu'il est en train de jouer, il est obligé de la remettre à charger avec son câble IFRA court. Du coup, il est super près de la télé. Et bref. Ouais. Voilà. Et ouais. Pour l'anecdote. Pour moi, au niveau de l'isolement, pour moi, c'était bon. Mmh. Après, il y a les sujets après du DLC, du free to play. Ah, on y vient. Je sais pas si toi, tu as des. Free to play, je jouais à Hearthstone. Ouais. Free to pay. Alors je fais mon vieux con encore. Mais le. Vas-y, tu le es là pour ça. Ouais, le free to play, c'est un modèle moi, qui me correspond pas. Même si ça permet de faire découvrir des jeux, et je reconnais que sur certains jeux, c'est bien, c'est correct. Ça permet vraiment d'avancer, mais il y en a qui abusent, on est même plus près du pay to win, là, ce qu'ils appellent. Et c'est vrai que quelque part, ça t'empêche de ne pas avoir le jeu en entier, de payer des crédits. Enfin voilà, tu payes la partie et tu ne peux pas avoir le jeu en entier. Et c'est vrai que c'est. Ça revient cher. Après, il y a certains jeux où c'est correct. J'avais joué, je me rappelle, sur Android, Brad Smart, que je recommande. C'est un jeu free to play où je n'ai jamais déboursé, que j'ai terminé. Et là, je reconnais qu'il y a certains jeux qui sont corrects, mais il y en a. Hearthstone, j'ai pas mis de pognon, me semble. J'en connais beaucoup qui mettent beaucoup de. Une fois. Une fois pour acheter un lot de 50. Mais c'est tout. Sinon, je l'ai et tout est Tu n'as jamais acheté les aventures Ah si, les aventures. Du coup, tu as mis des sous. Ah, mais de l'argent peut perdre. 12, 17, 17, 34. 46, ouais, 96 mais... euros depuis qu'Hearthstone existe. Voilà. Et ouais, mais normalement, à ce prix-là, le jeu, il devrait être à toi. Il devrait être dans ta bibliothèque. Devrait être. Tu devrais l'avoir en entier, de profiter de A à Z du jeu. Moi, c'est ça que je supporte pas. Par contre, c'est vrai que tout ça, ça fait disparaître les démos. Les démos de jeu, du coup. Au final. Ah, c'est un autre problème encore. Mais après, en free-to-play, tu parlais de jeux Android. Moi, j'ai quelques jeux sur le téléphone hein, comme ça. Et. C'est beaucoup du free-to-play, ouais, effectivement, où quasiment t'as, tous. Des bonus, des... Mais moi, les petits jeux que je joue, c'est vrai que du coup, à un moment donné, t'as plus de crédit, j'arrête de jouer, je reprends le lendemain. C'est ça aussi. Ou des jeux qui... Le côté paiement, ça va être j'ai un jeu qui est un peu à la mode en ce moment, tout le monde joue un peu dessus, mais un truc avec des mots, tu vois, où faut retrouver des mots. Il y en a quelques-uns à la mode en ce moment. Ou finalement... Si tu veux mettre du pognon, c'est pour gagner des pièces de jeu. Ouais. Pièces de jeu qui t'amènent des indices pour trouver les mots. À un moment donné, moi, je m'en passe, quoi. Ouais. Les indices, tu les trouves autrement parce qu'au fur et à mesure de tes découvertes, tu trouves, tu vois. Ok, et sur les petits jeux, c'est des petits mais sur jeux les, comme ça, les gros jeux. Après, t'as des gros jeux. C'est un peu frustrant. En fait, voilà, c'est vrai que moi, il y a le côté où quand t'as un jeu, tu l'as de A à Z, t'as la boîte, t'as un notice. Si t'as envie d'aller dans les bonus, tu auras les bonus. Si t'as envie de tout faire de A à Z. Enfin, t'as ce côté-là. Et c'est vrai que free to play, t'as pas le jeu en entier. Ouais, on parlait de Square Enix tout à l'heure. Pour le coup, c'est les champions. C'est les champions pour plonger dans toutes les mécaniques potentiellement malsaines. Oui. Parce que le DLC, ils y vont. Puis alors, ils y vont bien comme il faut. Depuis FF13, il me semble, non? Peut-être même avant. Hein. Non, FF13, il me semble qu'il y avait une flopée de DLC. C'est là où tu diriges qu'un seul gars, je crois. Oui, tu contrôles que Lightning, c'est tout. Enfin, en même temps, Square Enix, ils n'ont pas fait que Final Fantasy, quoi. Oui, mais moi, à ma connaissance, j'ai vu les premiers DLC débarquer en... Quand il fait grosse boule de neige sur le FF13. Oui, mais toi, tu joues toujours au même jeu. Donc j'y jouais pas, parce que je l'avais pas. J'avais pas de Play 3 à l'époque. Je regardais les autres jeux. Oui, mais tu ne t'intéresses qu'au même jeu aussi. Oui, voilà. Oui, c'est ça, pareil. Après, voilà. J'ai du mal avec FF13. Parce que les DLC sur les jeux, il n'y en a pas que dans le FF. Le 13-2 est génial. Le 13-3, il n'y a personne qui l'a fait. Le 13-3, ça existe. Oui, le Lightning Returns, où personne ne l'a fait parce qu'il est pratiquement impossible à finir. Toi, pour me lancer les fleurs, mais je l'ai fini, mais j'en ai chié. Et le jeu vaut vraiment le tour parce que la fin, elle est magnifique. Ok. Voilà, c'est tout. Sinon, le jeu, c'est de la merde. Mais, la fin, mais du coup, on parlait des free-to-play et pas des FF. Oui, free-to-play, tu peux trouver des petites perles sympathiques tant qu'encore une fois, il y a le choix. Voilà, t'as le choix de lâcher du vrai argent dedans ou t'as du choix de t'attends le lendemain. Ou avec une astuce, tu regardes une vidéo, ça t'offre 100 PO. Voilà, Oui, après t'as des... Après, le free-to-play est construit de manière à avoir... Ça se généralise en plus. Oui, beaucoup. Mais après, tu regardes... Oui, c'est pas que ça se généralise, c'est que c'est le marché mobile, surtout, qui n'accepte que ça. Quoi. Ça, c'est le marché qui est foutu. Mais, comme ça, mais après, tu regardes du Hearthstone, par exemple, et sur ce modèle-là. Hearthstone, c'est du free-to-play, pay-to-win. c'est-à-dire que plus tu mets de pognon dedans, plus tu vas être au même niveau que les grands joueurs, mais ça reste toujours du hasard. Après, ça dépend dans quel état d'esprit tu joues. Moi, je joue pas pour être en tête de classement, la plus forte, le machin et tout. Je joue pour passer un moment parce que le jeu me plaît et qu'à un moment donné, même si je reste avec mon niveau faiblard et voilà, ben, j'en ai rien à faire. Enfin, et du coup, je vais pas forcément aller mettre trop de pognon dedans parce que c'est pas mon intérêt. Ouais. Donc, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu vas aussi. Sauf que justement, le free-to-play, les modèles de gameplay qui viennent avec la mécanique, enfin avec le modèle économique free-to-play, souvent sont liés justement à ça. C'est fait pour aller chercher ton besoin d'accomplissement, voire ton besoin de reconnaissance sociale. C'est fait pour te pousser au truc jusqu'au moment où tu vas devoir payer pour aller plus loin, et il faut que tu ressentes le besoin d'aller plus loin, et donc il faut que tu ressentes le besoin de payer, sachant que en particulier sur le mobile par exemple, sur les jeux sociaux, voilà, sur Facebook, etc., très souvent les jeux qui fonctionnent, en tout cas sur le modèle free to play, fonctionnent grâce à une minorité d'utilisateurs qui dépensent une majorité de l'argent qui est dépensé pour le jeu d'utilisateurs, qu'on appelle des baleines dans la terminologie du truc, pas pour rien, parce que le panier moyen est extrêmement élevé, c'est-à-dire la somme moyenne dépensée par les utilisateurs est extrêmement élevée, tout simplement parce qu'ils sont peu en nombre, mais qu'ils mettent énormément d'argent, souvent des sommes à 4 chiffres par an, etc. Enfin, voilà. Et donc tout ce modèle-là, en gros, les 95% qui jouent gratuitement peuvent jouer au jeu, parce qu'il y a 5% qui mettent des sommes folles là-dedans. Oui. Et ça joue un petit peu avec les mécaniques à la fois de besoin de reconnaissance, de besoin d'accomplissement, voire avec les mécaniques d'addiction au jeu. Et c'est là où peut être un peu limite tout ça. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai que du coup, dans ce thème-là que tu as donné, où tu voulais parler des free-to-play et des DLC, moi, je serais plus emmerdée pour le coup par les DLC, parce que là c'est vraiment du contenu de jeu qui est rajouté. Alors le DLC, alors, là tu as DLC, y a DLC, mauvais bon et mauvais chasseur, tu as DLC qui va te rajouter un skin, un machin, un truc Street dont t'en as strictement rien à faire, hein, à un moment donné, et tu as le DLC, moi je pense ça m'est arrivé d'en acheter des DLC, hein, de prendre des season pass quand t'es fan de... oui tu, mais attention, crash. Moi, par exemple, sur ceux que j'ai pris, je me rappelle l'un des derniers season pass que j'ai pris qui date d'un moment, c'est Borderlands 2. Oui. Parce que. T'en as pour ton pognon. Là, tu en as pour ton pognon. Bon DLC. Parce que quand t'achètes le season pass, les DLC sont pas encore sortis, mais sont à paraître, sont annoncés. Et le season pass, c'était 4-5 DLC, je crois. C'était sur les Borderlands, les season pass, à chaque fois, c'est 4 aventures. C'est 4 et aventures. Puis, des fois, il y a des petits trucs à côté. Mais voilà, ah, au-delà des petits trucs à côté, mais c'est. Des DLC comme ça, oui, tu mets du pognon. Ça fait chier parce que t'as quand même acheté ton jeu et que derrière il faut relâcher du pognon. Et quand t'arrives avec toutes les DLC, t'as doublé le prix de ton jeu. Ça fait chier, mais bon. Mais ça vaut le coup parce qu'on te rajoute du vrai contenu. On te rajoute des aventures. Mais, on te rajoute du temps de jeu. Ouais, c'est mais là, super important. Là, on est justement plus dans le rôle des extensions avant l'an 2000 qu'il y avait sur PC, où quand il sortait un jeu, tu avais une extension, on ne s'était pas vu pareil. Mais tu avais un vrai contenu, je pense à Brood Wars, les extensions de Command & Conquer et Diablo, tout ça. Diablo 2, tout ça. Diablo 2, et tu avais un vrai contenu qui était rempli. C'est pas, par contre, quand j'entends parler d'un DLC où tu payes une carte ou deux, même le dernier Zelda, bon, celui de Noël, je pense qu'il va être bon. Mais quand j'entends parler que le DLC il apporte le traçage du personnage et pour détecter les faits, moi c'est pas une mise à jour, c'est abusé. Mais il y a même pire, tu parlais de Street Fighter. Non, ça m'a choqué Street Fighter 4. Quand tu as du DLC qui va te ramener, ça se fait beaucoup dans le jeu de combat. Enfin, moi après les DLC qui m'intéressent pas comme ça, je les regarde pas du coup parce que je m'en fiche. Mais qui va te ramener une tenue différente ou te rajouter un chapeau ou te rajouter. Mais à quoi ça sert d'aller foutre du pognon là-dedans? Ça changera pas ton... Quand t'es fan, ça... tu craches. Ouais, il y en a. Mais je suis entièrement d'accord. Hein. Tu crois qu'ils l'ont fait, le DLC pour Street Fighter 4, Ryu en tutu rose? Oui Non. Il dit oui. Mais c'est juste à un moment donné... Avec la corne de l'écorne sur le front. Mais il y avait un truc comique, je crois, sur Street Fighter 4, où il y a des DLC justement comiques. Ou c'est le 5, alors Heroes of the Storm, tu pouvais jouer Diablo en tutu, quoi. Diablo avec une bouée, pardon. Ouais. Bouée, c'est pas mieux. Machin. Alors par contre, je sais pas si là je remonte loin, si vous avez connu Total Annihilation. Oui. C'était pas mon préféré. Mais ce jeu, quand il était sorti, je crois que tu avais un DLC, enfin une extension, où tu avais une unité gratuite par semaine que tu pouvais télécharger. Et je crois que tu montais à plus de presque 100 unités. Je n'ai pas souvenir, donc je te crois totalement. Je t'assure. Et après, il y a eu trois extensions. Et ça, c'était un jeu, bon, c'était pas excessif, mais il y avait un contenu et un travail qui était énorme de la part des devs. Après, je suis pas fan de Total. Après, le problème sur les DLC comme ça, moi, sincèrement, le gros problème sur ces DLC, finalement, pour moi, c'est pas les éditeurs qui sortent les DLC et qui les font chiffrer. Hein. C'est qu'à un moment donné, derrière, il y a des mecs qui achètent. Hein. Ah, exact. Mais c'est dans tout. Hein. Tu as raison. À un moment donné, c'est que derrière, on a qui achète. L'acte d'achat, c'est aussi un acte militant. Si tu achètes, c'est que tu cautionnes. Si tu n'achètes pas. C'est quand même qu'il n'y a plus de problème. Si tu n'achètes pas, les mecs, ils vont arrêter d'en sortir, puisque de toute façon, ça ne se vend pas. Je n'ai pas ça acheté les skins d'armes sur Sniper Elite 4. Alors, moi, j'avoue, j'ai acheté quelques skins. J'ai acheté les extensions, mais. 4. Par contre, pour Sniper en revenir au. Qu'est-ce qu'il est long à installer ? Pour les pay to win, par contre, moi, ce que je ne supporte pas, c'est les jeux. C'est les jeux un peu. Genre, tu joues les 20 premières minutes, le jeu est super facile, etc. Tu te dis, putain, le jeu est génial, super facile, etc. Ouais. Mais par contre, au bout d'un moment, tu es obligé de payer. Ça c'est pareil, ça va avec la mécanique. Par contre, mais là t'as pas le choix, t'es exact. De payer si tu veux gagner le niveau par exemple. Alors là par contre, je vais donner un point positif au pay to win, c'est que si tu regardes bien, c'est le même modèle qu'il y avait en arcade dans les années 90. C'est les bandes d'arcade, tu mettais du fric et au bout d'un moment ça devenait de plus en plus dur et c'était là, il fallait lâcher le fric. Mais la différence, je reviens toujours avec mon côté social, c'est qu'il y avait un côté social et pas chacun dans son coin. Mais c'est la même mécanique au final. De mettre des pièces et free to play, c'est la même chose. Ouais, c'est pas le même coût par contre. C'était 10 francs. Le crédit. Oh, 10 francs. Si tu si tu ramènes avec comment dire tout avec pris en compte inflation tout ça après c'est pas directement après ça dépend mais... non mais c'est sûr mais je vois la comparaison pour les DLC c'est comme un jeu vidéo. Si t'achètes un DLC de temps en temps, selon la qualité du DLC, attention. Et selon le jeu aussi. Et selon le jeu. Si tu l'aimes ou pas. Parce que si c'est pour acheter, comme j'ai dit tout à l'heure, Ryu en petite tenue ou en sous-vêtements, en string panthère, machin truc bidule, mais que ça change rien au personnage. Je signe moi. Pour Ryu ? Ah bon ? Non, je déconne, c'était juste Bison, pour Dalsim. C'est Dalsim. Pour Chun-Li, tiens. Chun-Li en string culotte, enfin en culotte soutien-gorge. Voilà. Eh, tu signes ou pas ? 15 euros le DLC. Non, mais j'achète pas de skin, moi, en fait. Voilà. Enfin, j'achète c'est pas juste de skin, un skin sauf... parce que t'es un vieux pervers juste pour voir Chun-Li en petite tenue. Je mets une parenthèse, la ferme tout à l'heure. Tu mets 20 euros, quoi. D'accord, mais 20 euros, autant aller au camion. Bref, donc tout ça. Donc, c'est un bon DLC, comme t'as dit tout à l'heure. Le camion de Rempart d'Avignon. Voilà. En plus, ils sont plus pocheurs. Ah ouais, pourquoi ? Non, on dérive pas là-dessus. on va revenir au sujet. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il y avait un. On est pas chez Benzaï ici, on se calme. Quoi qu'il arrive, un DLC de qualité, pour moi, référence à Borderlands 2, où tu avais gros DLC, où tu rajoutais une aventure de 20 heures. Ils font pas tout ça. Une aventure. Je me rappelle le Tiny Tina, le jeu de rôle dans Borderlands 2, où tu avais l'aventure jeu de rôle, etc. Mais j'ai passé des heures et des heures dessus, mais sans jouer au jeu principal. Tu jouais que au DLC, parce que c'était 15 euros le saison de base. Et tu te régalais, c'est du DLC de qualité. 15 euros, t'avais les 4 aventures. DLC de qualité, c'était super. Non, c'était 40 balles le season pass, les enfants. Oui, ça j'avais l'acheté 15 euros. Tu l'as acheté 15 euros bien après, mais c'est 40 balles. C'est abusé parce que quand tu te rappelles des extensions qui sortaient sur PC avant l'an 2000, c'était du 30. Ah non, c'était vrai que c'était en francs. C'était du 150 francs. Max. Si, les extensions. Pas les souvenirs que j'en ai, moi, monsieur. Brood, les extensions de Quake. 300 balles, t'es fou, quoi. Non. Broadwar c'était 300 francs. Attends, je sais plus, je suis en euros ou en francs en fait. Broadwar c'était 300 francs. 300 francs ? Ah ouais. C'était le pack. Un jeu à peu près, c'était 400 balles. Et Broadwar à la sortie c'était 300 balles. C'est ça. Mais c'était différent, ça choquait moins, il y avait moins. Déjà, il y a un truc qui t'a fait les vieux cons jusqu'au bout. Il y avait. Moins de jeux. C'était, voilà, il y avait moins de trucs qui sortaient. Moi, je me souviens d'une époque, quand j'étais au collège, sans déconner, ce qui sortait sur PC, on était beaucoup de joueurs PC, mais ce qui sortait sur PC, à une bande d'une dizaine de potes, vu le fait qu'en plus tu pouvais plus facilement se prêter les trucs, etc. Franchement, à nous tous, on arrivait à jouer, peut-être pas à tout ce qui sortait, mais on a pu mettre les mains sur tout ce auquel on voulait jouer. parce que voilà, il y en avait moins. Évidemment, et si on regarde bien, enfin, on revient toujours au même sujet de Peter, le dématérialisé. C'est depuis le dématérialisé que c'est énorme, tous les jeux comme ça industrialisés, quoi, la production, il y en a tellement. C'est vrai que ce que tu dis, il y en a moins. Mais voilà. parce que le démat, ça permet la baisse des coûts de distribution a amené la vague indé, la baisse des tout coûts, simplement. Pas sur Steam, oui. Mais chez Nintendo, il n'y a pas de baisse de coûts. Non, chez Nintendo, ils continuent à te vendre des jeux Super NES à 15 balles, qu'est-ce que je te dise. Oui, non, mais voilà, mais c'est vrai qu'avec le dématérialisé. Chez Nintendo, on les manettes à 80 euros. Oui, déjà. Comme il le disait, le dématérialisé a amené. Toute la vague indé. Tous les indés. Ah, ça, par contre, tous les indés, pour le coup. Regardez Indie Game The Movie, si vous voulez. Ça ramène énormément de jeux. Oui. Pour le coup. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop de jeux qui sortent. Et j'aurais pas dit ça, moi, que ça vient. Les jeux indé, pour moi, c'était plus qu'il y avait tellement ces jeux AAA tellement lourds avec les tutos, introductions de movie, enfin de films. Ça, je suis d'accord. Et tout ça, que c'est vrai que t'as pas envie forcément de jouer un jeu vidéo, d'attendre l'intro, de t'installer, d'apprendre comment jouer. Et du coup, un bon jeu indé, ça coûte rien et tu t'éclates. Ils n'ont commencé à exister. Ça date pas de là, évidemment. Hein, jeux indé, les développeurs indé ont toujours été là. Mais, sauf qu'avant, ça vendait des disquettes sous le manteau et tout. Mais la distribution dématérialisée, en premier lieu, le marché du Xbox Live Arcade, c'est ça qui a amené la visibilité, la publicité aujourd'hui, les indés, hors budget de communication, etc. Mais techniquement, vraiment techniquement, et je mets des gros guillemets, venez pas m'engueuler derrière, mais techniquement, un indé sur Steam, il a la même visibilité que n'importe qui. C'est clair. Et c'est techniquement, parce qu'en vrai, derrière, c'est en sens là que, ne serait-ce que, comme il disait, avant, ça se vendait sous le manteau, machin et tout. Donc, de toute façon, t'en entendais pas ou quasiment pas parler. C'était difficile d'avoir de la visibilité. Donc au final, effectivement, les jeux qui sortaient étaient peu nombreux, moins nombreux que maintenant. Sauf que maintenant, leur visibilité étant quasi, avec de très gros guillemets, identique au AAA, eh ben finalement, tu as toute cette quantité-là de jeux qui vient se rajouter au AAA. Mais tu vois, les jeux indie me parlent beaucoup plus maintenant ça, c'est sûr. Que les jeux grosses productions. Mais les grosses productions, de toute façon, ils sortent. Il y en a beaucoup, c'est des bêtes à pognon. C'est ça. C'est des bêtes à pognon. Moi, je suis la toujours je suis des la première. Il faut qu'ils se remboursent. Hein. Moi, je suis la première à me jeter dedans, et je le reconnais, avec les Assassin's Creed. Moi, c'est Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Ou, à un moment donné, les Assassin's Creed, quoi qu'il se passe, il y en a un qui sort, je l'achète. Parce que j'adore la série. C'est l'attrait de la licence. Quoi qu'il se passe, je reste sur mon avis que le meilleur, c'est la trilogie Ezio. Bref, c'est un autre débat. Mais voilà, Assassin's Creed, ça fait partie de mes jeux fétiches. Après, je suis la première à critiquer les FIFA, les Call of, les PES, tout ça. Parce qu'il y en a un qui sort tous les ans, tu vois. C'est comme les Tekken aussi. Mais au final, Assassin's Creed, il y en a un par an aussi. Et moi, bête et méchante, je l'achète. Les Sims aussi, ça en fait partie aussi. Oh, les Sims, c'était pas... Ouais. Oh là là. Donc, on sort une extension pour rien, quoi. Mais ce côté industrialisation de jeux, moi, je sais que ça me parle plus, en fait. Si vous voulez entendre parler des Sims en détail, écoutez le podcast numéro 2. La gueulante numéro 2 spéciale Sims. Après, d'accord, comme tu as dit, on a nos jeux fétiches, on va être obligé d'acheter, peut-être pas immédiatement à la sortie, mais plus tard, on l'achètera, qu'il arrive. La première à le faire, Il va y avoir le Resident Evil 7. Le Resident Evil 7, je ne l'ai pas acheté. Ah oui, il paraît qu'il est énorme. Je sais pas, j'ai pas eu peur. J'ai testé 20 minutes, j'ai pas eu peur. Avec le casque. Déjà, c'est pas vrai. Puis moi, je t'ai vu sursauter, si tu veux, donc à un moment donné. Il y a quand même une différence entre sursauter et se faire pipi dessus et hurler comme une vierge. Il a testé en VR. On n'a pas dit que t'avais eu peur et que t'avais hurlé comme une vierge, mais à un moment donné, t'as sursauté, si tu veux. Oui, mais sursauter, il y a un. Voilà, enfin, je fais le geste parce que vous écoutez, vous voyez pas le geste. C'est juste que. Voilà, j'ai fait ça. Moi, j'étais derrière toi, tu as vraiment sursauté. Oh, parce que j'ai mal négocié la sortie. Je pensais qu'elle allait sortir sous le placard, sous l'escalier, mais elle est sortie de l'escalier. Bah, j'ai pas oublié. Puis après, elle m'a coupé la main. C'est horrible, n'y joue pas. Voilà, j'ai. Je l'ai pas acheté. Voilà. Bon, après, c'était. Silent Hill, il y en aura là, plus. Pour le coup, c'était de la VR, c'est autre chose. Non, plus de tu l'as pas acheté, t'as pas la. Mais si j'avais une Play 4 ou sur le PC, non. Si tu avais une Play 4, tu l'aurais acheté. Tu vas finir par l'acheter. Non, mais dis pas ça, tu vas finir par l'acheter. Je veux pas l'acheter, mais tu vas l'acheter quand même. Finir par. Il y en a à la sortie du jeu le jour même. ils y sautent dessus. Mais quoi qu'il se passe, tu vas l'acheter quand même. Le seul jeu que j'ai acheté immédiatement après la sortie, ça a été le South Park. Le bâton de la vérité. Le bâton de la vérité. Tu as vu la fête. Je me suis régalé. On va pas en parler au micro, mais la fête est énorme. La fête est géniale. Oui, on en parlera plus tard donc. Non, spoil. N'est-ce pas Puis le kangourou, tu te rends compte. Mais bon, bref. Je suis esclave aussi. Tout ça pour revenir à ce qu'on disait donc à la base, effectivement. Sur les jeux bêtes à pognon, ça va avec le reste. Et le problème, c'est que souvent, les DLC qui servent à rien, mais qui se vendent, sont les DLC pour ces fameux jeux de bêtes à pognon. Bah oui. En plus. Il faut entretenir la graisse de la baleine, c'est comme ça. Même les Assassin's Creed, alors j'ai pas trop poussé le truc parce que c'est un truc qui m'intéresse pas, mais je sais pas s'il y avait pas des armes en plus, enfin de possibilités de débloquer. Ouais, mais c'est ça, donc au final tu crées deux niveaux de joueurs. Moi je le fais pas, quoi. T'as le niveau du joueur pauvre qui. Et après t'as le. Non, mais c'est vrai, c'est t'as le joueur qui du coup. Ça crée la frustration, je reviens toujours à mon côté, que tu n'as pas le contenu du jeu en entier. Ça et c'est frustrant. Ça se ressent d'autant plus sur des jeux en ligne du coup. Oui, la différence de parce que sur un Assassin's Creed où tu joues tout seul tranquille dans ton salon, ou un jeu lambda où tu vas avoir les moyens de t'acheter des skins etc ou pas, c'est une chose, mais effectivement ça va se ressentir d'autant plus sur des jeux en ligne entre un mec qui a les moyens du pognon. Ça n'existe que pour sur des jeux multi, ça. La vente de skins, c'est pas un truc je reviens à Mortal Street 4. Et même Mortal Kombat. Non, Mortal Kombat, c'était des personnages. Mais ouais, tu prenais Street 4, c'était ouais, il fallait payer le costume. Ouais, mais ça. Ouais. Alors que. Pour le coup, là, donc c'est vrai qu'après, ça te crée effectivement ce déséquilibre-là dans le jeu entre le mec qui a du pognon et le mec qui en a pas. Qui, face à face, on se retrouvait avec l'un qui a acheté des DLC, avec les armes plus puissantes, avec tel stuff, machin et tout, un peu plus puissant, qui va te permettre de te booster un peu plus. Et l'autre qui n'a pas les moyens, qui joue juste pour jouer, et qui, du coup, va se faire déboîter, mais c'est sûr. C'était sur Resident Evil 5, justement, je crois, qu'ils avaient sorti le jeu. Et je crois qu'il y avait un DLC, ils avaient analysé les trames. Ils avaient vu que quand tu achètes, tu actives le DLC, tu as juste quelques kilo-octets qui arrivent dans le jeu, qui débloquent justement là. Ouais. Donc ça veut dire que c'est souvent, ouais. Mais ça c'est. Le jeu est déjà. T'as pas le jeu en entier. Je reviens dessus. Non, en fait. Et cela dit, il y a eu pire. C'était quoi un Prince of Persia comme ça, où la fin, la vraie fin était en DLC. La vraie fin était en DLC. C'est le Prince of Persia. C'est les Sables du Temps. Mais non, les Sables du Temps, c'était un jeu offline sur GameCube. Non, pas les Sables du Temps. C'est pas le remake des Sables du Temps, justement. Je crois que c'est peut-être le remake des Sables du Temps ou le celui qui est sorti juste après. Où effectivement. Je sais plus du tout. Tu avais une fin de jeu. Bon. Mais si tu voulais la vraie fin du jeu, il fallait sortir le DLC. Et en plus, il s'était rendu compte, je crois que c'est Monsieur Poutounours qui m'en avait parlé, que en vrai, dans les données du jeu, la fin était dedans. La fin y était. C'était juste que ton DLC va te débloquer à un moment donné. Une clé, un petit morceau qui était déjà là. Tu vois, enfin, c'est un moyen pour faire du fric. Hein. Qui était déjà là, mais juste le fait de mettre le pognon, ça va te débloquer, tu sais, un petit verrou en te disant, ben voilà, maintenant t'as la vraie fin, quoi. Et pour en revenir à Resident Evil 5, oui, le DLC du manoir, etc., ils sont intégrés dans le jeu, mais donc tu pouvais avant acheter les DLC en démat, mais ils ont fait mieux. Ils ont sorti les DLC en boîte, mais que tu as acheté au prix d'un jeu, donc 70 balles. Sérieux ? Waouh. Ouais. L'édition Gold de Resident Evil 5. Ils te vendaient ça comme le jeu. Sauf que c'était pas le jeu, c'était juste les DLC. Voilà. Bon, cela dit, après, ils ont sorti la vraie édition Gold où c'est le jeu intégré avec tous les DLC intégrés à l'intérieur. Pour un Dragon Age, il y a bien eu la version collector sans le jeu dedans. Ah ouais ? Ouais. T'avais tout l'emballage de la collector, machin, tous les objets et tout, mais il n'y avait pas le jeu. C'était une collector à 60 ou 70 balles, je crois. Il fallait racheter le jeu à part pour. Pour en revenir à l'époque des DLC, quand tout ça n'existait pas, comment on faisait avant pour débloquer des nouveaux skins de personnages ou des nouvelles armes? L'éditeur hexadécimal. C'est l'informaticien qui parle. Tu finissais ton jeu. Ne vous inquiétez pas, c'était pas sale. Tu finissais ton jeu et tu chopais des bonus de fin de jeu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait? On recommençait le jeu. C'est comme ça que j'ai fini Parasite Eve 2 48 fois pour avoir tout débloqué, machin. Silent Hill, tout ça. Tu finissais le jeu parce que t'avais la congratulation d'avoir fini ton jeu. La congratulation. Oui, non mais cherche pas. Congratulations. Voilà, tu étais content d'avoir la satisfaction d'avoir fini ton jeu et tu le recommençais derrière. Tu disais, oh, je vais faire ça d'une autre façon, je vais combattre ce boss avec une autre arme. Bah, tu finissais ton jeu, bah, t'avais ta fin différente, t'étais content. T'as dit que là, ta fin différente, il faut que tu mettes 15 balles pour l'avoir. C'est ça. FF15. FF15, avec sa... la fin était tellement pourrite qu'ils ont été obligés de faire Elle était comment la fin ? Complètement pourrite. Pourrite donc. Oui, oui c'est parce qu'il y a Soy qui nous écoute, tout ça, donc alors les oreilles qui saignent et tout. Voilà, et FF15, la fin était tellement merdique qu'ils se sont excusés et qu'ils ont. Ils sont en train de, je sais pas s'ils sont, ils l'ont fait ouais, ou ouais, mais ont, ça, ils ont tu fait vois la vraie fin une mise à jour, DLC. Ça au final. Oui normalement ça aurait dû être une mise à jour. C'est ça. Voilà la communauté qui a payé son jeu 70 balles, ils vont voir la fin, mais ils disent, c'est de la merde. C'est un prix quand même. Pourtant il y a beaucoup de jeux AAA où la fin c'est de la merde. Mais oui. Square Enix, ah ben bah, attendez, on va oublier cette fin. Vous avez rien vu. On va vous faire un DLC. Je sais pas s'il est gratuit. Je sais avec pas un si Téfan, s'il va être payant. Tu passes à la caisse non, comme ça. C'est une mise à jour. Alors mise à jour ? Non, bah, ah, ça oui, va alors. Mise à jour, ça va. Mise à jour, ça va. Ils sont déjà, ils ont été intelligents. Mm. Alors on est, c'est pas pour, mais ouais, on est sur un développeur japonais. Hein. Donc c'est vrai que quand ça gueule, la mentalité japonaise fait que ils auront quand même pas le, ils iront pas jusqu'à faire payer un truc pour remplacer quelque chose qui, comment dire, qui a fait débat quoi. Galaxy. Mario Galaxy. Ouais. Un jeu en entier. Tu l'achètes, tu l'as en entier de A à Z. Je le dis, mais c'est clair. Nintendo. oui, donc je fais juste une parenthèse allez, sur les jeux en kit pour un modèle bien particulier qui reste quand même assez rare et limite marginal, mais qui peut concerner un certain nombre de jeux qui fonctionnent très bien. C'est le modèle totalement gratuit avec du DLC, avec du micro-paiement. Comment dire, qui ne servent qu'à financer le jeu, mais qui n'ajoutent pas de mécanique, qui ne changent rien au jeu. Tu peux jouer tant que tu veux. C'est vraiment voilà, c'est vraiment le comment dire, le paiement, le DLC comme forme de soutien aux développeurs pour maintenir ce jeu que tu aimes tant. Alors je pense à Dota 2 évidemment, un des meilleurs représentants de cette catégorie-là. Le jeu est le même pour tout le monde, mais tu peux payer ton skin de perso. Et voilà, d'autant qu'en ouais, plus... mais c'est les, juste des bonus. En général, les joueurs de Dota 2 sont quand même des gens qui ont un compteur horaire sur le jeu qui est conséquent et qui donc vont pas hésiter à lâcher 3 ronds au bout d'un moment. Et puis moi, plus récemment, j'ai eu l'occasion de tester Path of Exile, qui est un hack and slash et le principal concurrent en ce moment de Diablo 3 sur un modèle économique totalement différent puisqu'il est entièrement gratuit avec des, j'allais dire des micro-paiements mais non, des paiements parce que là on n'est plus forcément sur du micro mais avec des paiements qui sont donc purement soit purement esthétique, soit purement fonctionnel, au sens où on te vend soit du skin, donc mais n'importe quoi, hein, ça c'est du pet à pas cher, jusque les méga L machin et tout, mais qui ne sont pas des pièces d'équipement, qui sont uniquement juste du skin, dire, uniquement de l'apparence, uniquement ouais. Du skin, donc pas d'impact sur le jeu, pas de différence hors reconnaissance, besoin de reconnaissance sociale, on y vient toujours. Pas de différence entre le joueur qui a payé et le joueur qui n'a pas payé. Et les autres trucs qui sont payants, c'est tout ce qui est purement fonctionnel, notamment les emplacements d'inventaire, par exemple, des trucs comme ça, mais qui sont directement liés à la quantité de ta pratique du jeu. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu commences à avoir besoin d'emplacements de stage en plus, c'est qu'a priori, tu commences à avoir... quelques dizaines d'heures sur le jeu et que de toute façon tu peux bien lâcher 10 balles pour soutenir le truc. Et bon, ça je trouve que c'est un modèle intéressant qui a le mérite de donner bah, un petit peu plus de visibilité au jeu. Path of Exile est quand même c'est quand même une belle réussite qui récupère petit à petit tous les déçus de Diablo 3 qui en ont marre de faire des trucs en boucle encore pendant des heures et d'avoir payé leur jeu plein pot alors qu'il évolue pas. Justement, Path of Exile évolue en permanence puisque son modèle free-to-play fait qu'il doit maintenir sa communauté et donc continuer à évoluer tout le temps. Et Dota 2, bah là, on ne le présente plus. Hein, de toute façon, c'est voilà, succès incontesté, mondial, phénoménal, succès de l'e-sport aussi. Donc preuve que bah, ça marche parce que ça permet au plus grand nombre de venir au jeu sans qu'il y ait cette barrière du paiement. Et malgré tout, a priori, ça continue de fonctionner. Voilà, on a League of Legends qui fonctionne sur ce modèle-là aussi. Team Fortress 2 est un jeu que moi j'aime beaucoup mais que j'ai pratiqué avant son passage en gratuit. Donc je vais m'abstenir de commenter. Team Fortress 2, ouais, il y a encore une communauté très très... Valve l'a passé en gratuit au bon moment, en fait, tout simplement. Ils l'ont passé en gratuit justement au moment où ça allait s'essouffler. Pour lui mais redonner, gratuit complet. Gratuit complet. gratuit complet. Maintenant, c'est comme un Counter-Strike, c'est-à-dire c'est du système de à base de clés. Tu peux être tu peux acheter des chapeaux, des trucs comme ça. Et puis après, quand tu fais des parties rankées, selon comment tu t'en sors, tu peux acheter des clés qui vont t'apporter des éléments. Mais ça ne change pas grand chose à ton gameplay, en tout cas. C'est pas exactement le modèle League of Legends non plus, mais ça change pas grand chose à ton gameplay. Mais oui, il y a encore une petite communauté sur TF2. Il se défend, et pas vraiment de FPS qui soit venu récupérer le truc derrière. Overwatch a pris un autre créneau un petit peu, donc voilà. Voilà, c'était la fin de ma parenthèse sur les jeux en kit, les jeux totalement gratuits avec des DLC qui ne changent pas l'expérience de jeu. J'ai encore d'autres sujets. Vas-y, continue. Petit peu. On va savoir combien de temps il reste, du coup. Il reste ce qu'on veut, hein, mais ouais. Non, en vrai, on a une demi-heure encore maximum. Donc ouais, autre chose qui est bien, voilà, pour le joueur occasionnel qui va démarrer un jeu, mais des fois c'est trop lourd, et c'est ça qui n'existait pas pour qu'on y a 30 ans, évidemment, c'est les tutos. Ça aussi, des fois, voilà, et là on revient sur les jeux AAA, etc. Des fois, il y a des tutos tellement lourds que c'est vrai que ça bloque le... Enfin, ça alourdit l'expérience de jeu. Ça, c'est vrai que... je veux dire, avant, voilà, t'allumais le Sonic, tu jouais, je veux dire, directement, je veux dire. Oui, t'avais pas le truc qui disait haut pour sauter. Voilà, exactement. Et je veux dire, c'est logique, je veux dire, tu sais à quoi t'attendre en jouant. Je trouve que ça se calme un peu avec le temps. C'est un peu plus lissé, ces trucs-là. C'est-à-dire exactement, que maintenant, la phase tuto, souvent, elle est moins visible. Elle est intégrée au jeu. Tu peux la passer. Voilà, tu la sens. Ouais. Soit tu peux la passer pour de bon, soit elle est stricte et tu peux la passer. Ou alors c'est le début du jeu. Soit elle est un peu plus intégrée dans le jeu et t'as moins l'impression d'être pris par la main. Je m'appelle cela Black dit, and White. Ouais, cela dit, là-dessus, moi je trouve que Nintendo est là celui qui fait le moins bien. Parce que chez Nintendo, t'es pris par la main tout le temps, c'est lent, c'est machin, c'est la moindre phase de dialogue, en particulier pendant les moments tutoriels. C'est long, c'est machin. Qu'est-ce que c'est long chez Nintendo tout le temps? Les boîtes de dialogue, les menus, les machins, c'est lourd. C'est, voilà, c'est très peu rythmé, en fait, et moi c'est un truc qui me saoule. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau. Mortal Kombat, je n'ai jamais réussi à passer le tutoriel. Je sais plus lequel. Oui, mais tu peux pas quitter le tutoriel. Oui, non, ça m'étonne pas. Mais en même temps, le tuto, il n'est pas obligatoire pour jouer. Et si, dans un des Mortal Kombat que j'ai fait, il t'obligeait à faire le tuto parce que t'étais obligé de faire de contrôler chaque. Non, tu prenais un personnage, ça lançait le tuto du personnage. C'est le 10, c'est ça, non? Et tu apprenais les coups, sauf qu'à un moment, les coups qu'il te disait à l'écran, t'avais beau essayer de les faire, le personnage, il voulait rien comprendre. Pourtant, tu faisais tout ce qu'il disait, joystick, machin, tout d'affilée. Ou alors ta manette qui était déchargée, ça, non? Non, c'était une bonne manette à l'époque. Impossible. Après, j'ai changé de personnage. Impossible aussi. Ouais. Du coup, bloqué au tuto, j'ai pris le jeu, j'ai jeté par la fenêtre parce qu'il m'avait gonflé. Ah ouais, carrément. Donc, oui, cool. Destruction de matériel. Un jeu qui me gonfle, généralement, fini. Je suis fan des Mortal Kombat. Par la fenêtre, ça, quoi. Ça, c'est très con. Quoi. Oui, mais c'est le. Il faut savoir se contenir à un moment donné. Ouais. Quand c'est pas la manette. Ouais. Comment jeter de l'argent par les fenêtres, franchement? Bah, tu achètes des DLC. Après, il y a un autre sujet aussi, je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est qu'on a vu l'évolution, donc en pas mal d'années, au niveau de la maturité des jeux vidéo, donc au niveau de la violence. Alors par contre, je mets Mortal Kombat à part, parce que c'est du stéréotype, je ne vais pas dire comique, mais c'est un peu à part. Tu sais que Mortal, voilà, c'est pas de la violence banalisée. Et c'est vrai qu'il y a une banalisation, une augmentation de la violence sur les jeux vidéo. Je ne parle pas tous, hein. Il y en a toujours une tranche. Alors c'est vrai qu'il faut répondre à tous les publics maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une tendance forte, je trouve, là-dedans. Je vais pas dire à la surenchère, mais il y a des jeux qui sont très sur la surenchère. Je pense à Postal, je pense à... Ça, c'est vieux. Manhunt. Ouais. Moi, c'est pareil, c'est vieux, ça. GTA. GTA. Enfin, ah, GTA. Parce qu'il y a une banalisation. GTA sans fond de commerce. Ouais. Oui, mais voilà, je veux dire, ça fait perdre, du coup, le charme du jeu vidéo. Alors, quand j'étais jeune, j'ai déjà bossé à la Fnac. C'était à Nîmes. Et c'était au moment de Noël, et on venait de recevoir le jeu Gateway, je crois que ça s'appelait. Gateway. Et tu connais ? Gateway, oui. Gateway. Et on avait reçu une annonce comme quoi il fallait le mettre en haut des étagères, hein, directement, pour, parce qu'il était interdit aux moins de 18 ans, parce qu'il y avait une scène de... Enfin, je ne sais pas si je peux le dire au micro. Oui. Une scène de sodomie. Et donc, bon, c'est ce qu'on avait fait. Et en même temps, à côté de ça, on avait les jeux Kingdom Hearts, Mario Sunshine, même, comment il s'appelle le jeu de, sur Xbox One, Splinter Cell. Oui. C'est un peu violent, mais c'est pas non plus de la surenchère de violence. Et je me rappelle d'un enfant qui est venu me voir en me disant, passez-moi Getaway. Je dis, non, t'as 12, 13 ans, non, non. Et il revient avec son père. Il me dit, passez-moi Getaway. Je dis, mais voilà quoi. Alors j'ai donné exemple, il y a une scène de sodomie. Voilà. Et il me dit, c'est pas grave, il apprendra dans la vie. Ah, bah, fais ce que tu veux avec ton gamin. J'ai eu le même cas, moi, pour Resident Evil 4. Ouais. Un père qui voulait acheter Resident Evil 4 à son gamin. Ouais. Moi, j'ai expliqué que c'est comme si vous, monsieur, vous achetez le coffret de Rocco Siffredi à votre enfant. C'est strictement pareil. C'est pas la même catégorie, mais il y a le moins 18. Sur la même classification. Ouais. Mais non, la difficulté, moi je le vois là ces temps-ci dans le jeu d'occasion. Pour le neveu de Super Barbu qui a 11 ans, où je me mets un point d'honneur, où, pas forcément les moins de 12, parce qu'à un moment donné, voilà, mais au moins à lui interdire les moins de 16 et les moins de 18. Il a une Play 3, je lui ai offert une Play 3 en fait. Et sur la Play 3. C'est un cadeau, tonton. J'aimerais que tu sois mon tonton. Oui, mais c'est parce que tonton, en fait, il se l'était fait refiler, en vrai. Faut pas déconner. Rien ne se perd, tout se gagne. C'est ça. Il en avait deux à la maison. C'est le slogan de Macron, ça, non ? Il en avait deux, il ne servait pas. Bref, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, au moins dans l'occasion, soit tu as du moins de 16, moins de 18, d'un côté, soit de l'autre côté, tu vas avoir des jeux où c'est un gamin qui joue quand même beaucoup. Enfin, qui joue beaucoup. Qui... Il passe beaucoup. Disons qu'au lieu de faire du sport, il va jouer aux jeux vidéo. Oui, mais c'est surtout qu'il va jouer. Il va jouer, mais à un moment donné, au niveau des jeux, je trouve que c'est des âges là entre on va dire 10, 12 et 14, 15 ans où c'est très compliqué parce que soit t'as des jeux. C'est ça. Et encore, c'est bien que maintenant mignon, ça soit indiqué. Mignon, simple, tout gentil, où le gamin qui a 12, 13 ans joue pas mal et a envie d'avoir un truc un peu plus poussé. Donc, qui sont des jeux où il va vite tourner en rond et se faire chier en disant mais ça c'est pour les petits, c'est pas pour moi. Et ben, au-dessus, t'as la catégorie des moins de 16 où moi je suis désolée, il a 11 ans. Je lui achète pas un moins de 16. Il y a des crans dans le Peggy. Dans certaines limites. Ouais, parce qu'en moins... Il y en a, ils le voient pas. Parce qu'en moins de 16, effectivement, t'as des crans où tu te dis, bon, ouais, ça c'est marqué moins de 16. Il faut te servir des pictogrammes de contexte. Le connaissant, je sais qu'il c'est va pour ça pouvoir. Qu'ils sont là, hein. Mais voilà, ça reste, je trouve, des âges aussi, où, et j'en reviens justement à ce que tu disais, à cette banalisation de la violence dans les jeux, en fait, c'est où ça devient difficile. C'est quand c'est une surenchère, en fait. Ouais. Par rapport au gameplay du jeu. C'est ça en fait qui me... Et où ça devient difficile. Après qu'il y ait un réalisme, c'est bien quand même. Qu'il y ait un certain réalisme dans le jeu, qu'il y ait un petit peu de violent. Enfin, quand t'as 14-15 ans, un jeu comme ça, ça fait plaisir. Après moi, je peux le comprendre. Exemple tout simple, sur le coup, il lui avait acheté Skyrim. C'est un bon jeu ça. Qui est un très bon jeu. Peut-être un bon tonton. Hein. Qui est un très bon jeu. Mais moi la scène... C'était avec ses sous. Mais il ne le sait pas. Le problème, c'est que je lui dis, moi, ce jeu-là, je n'aurais pas pris juste parce que moi j'y ai joué à Skyrim. Mm. Mais ne serait-ce que la scène d'intro du jeu, qui est extrêmement violente. Oui, ouais. Et qui, pour un gamin de 11 ans et demi, l'est pour c'est moi pas nécessaire. Beaucoup trop. Mm. Voilà. Bon, après, c'est un jeu que lui ne connaissait pas et des images qu'il envoyait de ça Skyrim. Ça arrive, ce que font beaucoup de parents, je pense. Qui, les images qu'il avait vues de Skyrim n'étaient pas... plus ouais, parce violent que ça et passer bien Skyrim, ça me choque pas. Et passer bien comme pour Diablo. Non mais voilà, et passer bien pour un gamin de cet âge-là, mais juste la scène d'intro, c'est quand même un gamin qui a 11 ans et demi. Ouais, c'est un grand enfant. Qui a que 11 ans et demi. Il vient juste de rentrer au collège. Voilà. Mais c'est des trucs comme ça où effectivement, cette surenchère de violence, ce que tu disais, pose problème aussi voilà dans cet âge-là de gamin où oui, soit t'as ça. Des jeux c'est tout mignons, tout cartoon, tout d'animation où au bout d'un moment ils tournent en rond, ils se font chier, faut dire ce qui est, parce que c'est des gamins qui commencent à avoir ce que je comprends hein. à comme nous un c'était peu Mortal joueur, Kombat à l'époque où... je comprends. Et tu passes de ces jeux-là pour petits on va dire, enfin machin, à des jeux où de toute façon ils n'ont pas l'âge parce que c'est trop violent, parce que c'est trop machin. Mais si tu regardes bien, alors je me remets en mode vieux con, nous à notre époque, il y avait des jeux violents, mais c'était pas pour ça que les jeux où il n'y avait pas forcément de violence, comme Street Fighter, qui était le concurrent de Mortal par exemple, il était quand même bien coté. Un gamin de 16 ans était fier d'avoir un Street Fighter. C'était même des fois pour certains meilleur que Mortal. Parce qu'à à notre époque, le Mortal Kombat, tu lui aurais mis un PEGI de combien ? À notre époque, dès que le premier Mortal Kombat. Ben, je t'avoue que ce qui m'avait choqué, c'est quand j'ai vu la colonne vertébrale s'arracher de Sub-Zero. Normalement, ça serait un moins de 18 direct. Mais j'avais 6 ans. J'avais avec les critères du PEGI de maintenant, Mortal Kombat, c'est 18. Oui. Le 18. Le tout premier Mortal Kombat, ça serait 18. Oui, non, mais il y a des démembrements, des machins, c'est 18. Ça, c'est sûr. Street Fighter, moins de 16. Non, Street Fighter 12. Ouais. Oui, parce que Street Fighter, il est pas. Et si tu regardes bien Street, il y a un gameplay qui est énorme, même le 3. C'est... Et il n'y a pas, tu vois, cette nécessité de violence. Tu vois, c'est normal que quand tu donnes un coup à Ken, il étage de sang. Et ça, justement, ça apporte du réalisme. Tu vois, c'est... Je parle d'un juste milieu, en fait. Oui, tu, vois tu vas avoir le minimum de réalisme nécessaire. Il faut qu'il y ait un peu de réalisme. Mais sans que ce soit trop dans la violence. Je parle souvent de Mortal parce que c'est un jeu dans la caricature. Mais quand je parle de GTA, c'est la banalisation. Et c'est là que ça me dérange. Parce que là, au final, ce jeu, il serait pas si violent que ça. Et je sais que c'est un très bon jeu GTA. Mais est-ce qu'il serait si vendu que ça s'il n'y aurait pas eu cette violence ? La violence, la drogue, les insultes, alors, tout ça. Les prostituées, tout ça. Honnêtement, ça me fait chier parce que. C'est quand même vraiment voilà, c'est quand même vraiment pas ses premières qualités quoi. C'est quand même vraiment pas ses premières qualités, mais faut qu'on trouve d'autres exemples. Il y a forcément, enfin non mais il y a forcément une part, il y a forcément une part de Gravelot qui fait vendre, voilà. Et le problème du coup c'est bête à la place de Rockstar, mais le problème c'est que du coup tu peux plus l'enlever. C'est-à-dire que tu te colles une étiquette où on va pouvoir se permettre de sous-entendre systématiquement que ton jeu doit son succès commercial et critique potentiellement à ces éléments-là. Mais oui, pour vous rejoindre là-dessus, il y a une, je sais plus qui parlait de ça, peut-être David Cage ou mais quelqu'un, un développeur un petit peu connu, une tête d'affiche, je crois, qui regrettait que le jeu vidéo, ça reste encore aujourd'hui une affaire très très guerrière, très martiale. C'est-à-dire que on voit encore trop de jeux dans lesquels la mécanique de base est un affrontement, souvent meurtrier, tu vois. Alors qu'il y a plein d'autres possibilités. Bah, il suffit de prendre, tu vois, l'exemple de Zelda là, qui est sorti en mars. Tu vois, c'est un des jeux les plus vendus. Il y a de la violence, mais c'est pas... Je veux dire, c'est... D'ailleurs, il est à l'âge de 12 ans, je crois. Je sais pas du tout. C'est une très bonne question. C'est pas loin, peut-être on va pouvoir vérifier. Et voilà, donc c'est pour dire que cette banalisation... Mais je crois qu'il y a un jeu en indépendant qui a eu un très très bon succès, qui a l'air bien, je suis sûr, j'y jouerai, je me régalerai aussi, où tu as une vue 2D un peu à la GTA, Mafia. Mafia... un jeu ND sur PC. T'as une vue un peu au vieux GTA qui est très violent, très très violent. C'est pas Mafia donc. C'est non pas le vieux Mafia, c'est putain, je me rappelle plus. Hein. Mais très violent et il a pas mal de succès et notamment il met ça en avant. C'est son oui. Tu vois de quoi je parle ? Oui. Hotline Miami. Ouais voilà. Oui. Hotline. Mais Hotline Miami est super violent. Hotline Miami, le deuxième je crois. Je pense que c'est un bon jeu. A fait un petit peu polémique. C'est un très bon jeu, mais c'est vrai que il y a un choix assumé de mettre ça dans un cadre urbain violent parce que la misère, parce que tout ça, etc. Mais oui, et ils ont poussé le truc un peu loin parce qu'effectivement il y a une petite polémique dans le second Hotline Miami. Qui commençait par sur une scène manifeste a priori, enfin pas a priori, une scène manifeste de viol sur laquelle tu peux prendre un peu de recul parce que c'est un jeu en pixel art machin et tout, mais ça reste quand même une situation extrêmement violente, malsaine. Et ça a poussé le développeur qui s'était pas trop posé la question, c'est pas plus mal, mais la petite polémique a poussé le développeur à offrir l'option de passer cette scène, voilà, de désactiver cette scène-là. Et c'est pas plus mal, dans le même genre, on se souvient aussi d'une autre scène qui avait fait polémique dans un Call of Duty, me demandez plus lequel. Ah, le 6, dans l'aéroport. Dans l'aéroport, ouais, voilà. J'ai joué. Ça m'a choqué. Ou à l'inverse, ouais. Tu jouais un terroriste bon dans lequel. Très, voilà, très bon, voilà, jeu. Et pour revenir sur GTA, il y a une scène qui, moi, m'a mis vraiment mal à l'aise, alors que pourtant, dans GTA, tu peux vraiment vite prendre du recul au sens mature du terme, c'est-à-dire que t'es conscient de ce que tu fais, mais t'es conscient que c'est un jeu et que voilà, c'est un défouloir, la catharsis, tout ça. Mais il y a la scène de torture dans GTA V. J'en ai entendu parler des 5. Elle est hard. Ouais, parce que c'est con, mais c'est toi qui, voilà, c'est toi qui allume la gégène, tu vois. Là, j'ai mon neveu de 15 ans, il m'en avait parlé de ça. Voilà. Pas facile. Et ça, c'est un truc, déjà en tant qu'adulte, ça peut te toucher. Mais effectivement, un môme qui aurait 13, 14, 15 ans, avec tout le recul qu'il pourrait avoir sur le côté violence urbaine, machin et tout, où là, je peux comprendre qu'un ado ait un vrai recul là-dessus, pour le coup, là, c'est plus compliqué. Quoi. Et c'est pas tous les ados aussi. C'est vraiment plus qui peuvent avoir. Ah, non, ouais. c'est pas tous les ados, mais ça, on en revient toujours au même problème. Le PEGI, c'est une chose, mais après, l'important quand t'es. C'est l'environnement. Parent, voilà, c'est connaître. Savoir quelles sont tes limites à toi en tant que parent, c'est-à-dire il y a des sujets que j'accepte ou que je n'accepte pas de présenter à mon gamin, et surtout connaître et savoir ménager les susceptibilités de l'enfant, ne pas aller le mettre en face de choses qui risqueraient ou même dont tu saurais toi-même quelles sont gênantes. Parce que c'est pour ça qu'il y a les pictogrammes en plus du PEGI sur le. Ils devraient les mettre en gros comme les paquets de clopes, tu sais. Ouais, malheureusement, la plupart des gens ne voient pas le pictogramme. Ils voient une image. Regarde, on parle de Zelda. Je n'ai pas vu le pictogramme. Mon gamin Zelda. Il y avait eu une proposition pour que les pictos. Alors maintenant, le PEGI oblige. Parce qu'on rappelle que PEGI, c'est un truc indépendant qui n'a pas voix au chapitre à part dans certains pays en Europe. Mais le PEGI impose quand même sa norme par rapport aux gens qui l'utilisent, c'est-à-dire à l'intégralité de l'industrie. Aujourd'hui, les pictogrammes ont l'obligation d'être. Enfin, la classification PEGI a l'obligation d'être sur l'avant des boîtes, pas seulement sur l'arrière. Donc sur les boîtes de Switch que j'ai entre les mains là par exemple, elle y est. C'est avec la musique épique derrière, c'est énorme. Par contre, les pictogrammes de contexte spécifiques, eux ne sont que derrière. Sur le Breath of the Wild, par exemple. Donc, Breath of the Wild est PEGI 12 avec le picto violence. Et tu vois. Voilà. One to Switch et PEGI 7 avec le pictogramme violence. Bon, après, il y a autre chose, c'est que le PEGI, des fois, il fait pas appel. Pour le. Peut-être celui avec la compagnie où tu te tires dessus. Le duel au sabre ou un truc comme ça, oui, non, ouais. Regarde Super Smash Bros. De toute façon, PEGI, on en parlera peut-être dans une autre émission. On a un autre projet en cours qui va vous parler de PEGI un peu plus en détail. Mais globalement, la façon dont la classification PEGI est évaluée, à la fois auto-évaluée par le développeur ou l'éditeur et à la fois réévaluée par PEGI derrière, est quand même extrêmement prudente, c'est-à-dire que ça a tendance à tirer la classification vers le bas en permanence. C'est ça. Donc c'est plutôt un truc, c'est plutôt un truc dont on peut considérer qu'il serait même un peu dans l'excès de prudence. Quoi. Ouais, non c'est. Oui, non, mais après voilà, ça reste des recommandations. Ça reste des recommandations théoriques et après c'est à chacun de voir en fonction. De toute façon, d'un gamin à l'autre, je prends un gamin, enfin nous parce qu'on a l'exemple de son neveu qui a 11 ans et demi. Si tu nous écoutes. Mais non, pas. Là où il est, non. Non, je pense pas. Là où il est en prison. Non, mais c'est une montagne. À la plage. Il est dans un camping. Même dans l'absolu, il nous écoute pas. Parce qu'il a pas d'oreille. D'un gamin à l'autre au même âge, de toute façon, tu vas pas forcément lui présenter un même jeu. Ça n'est pas la maturité de... Voilà. Et puis la sensibilité de l'enfant. La sensibilité, ça dépend des conditions. Moi, je sais que sur la console qu'il a, il y a Dead Island et GTA V. Par contre, il a l'interdiction absolue d'y toucher avec contrôle de ma part et de celle de tonton, parce que la console est chez les grands-parents n'ont pas forcément l'œil dessus. Ouais, c'est pas évident. J'ai envie de dire le contrôle parental. Nous, par contre, voilà, on a l'œil dessus. Et c'est eu arrivé, effectivement, qu'il joue à GTA V. En fait, on joue en GTA V, de son oncle. Mais on fait les cons. On prend des voitures garées, on vole pas les voitures, on prend les voitures qui sont garées. Oh. Et on les voitures qui sont garées, je te signale elles que sont tu pas mets à un toi, grand hein. coup de coude dans la vitre et... Non mais... Bon, voilà. On prend et la voiture, sonne, hein, on va lui customiser et on va faire les cons dans la montagne. Mmh. À sauter le plus loin, voilà. À essayer de ne pas mourir donc, dans la descente, après voilà, croiser les doigts, on s'amuse. Il y a des trucs comme ça, oui effectivement il joue à GTA V, mais dans des conditions particulières, c'est maîtrisé. Pas tout seul, dans certaines conditions, il va pas faire les missions parce que dans les missions, à un moment donné, il va croiser des choses qu'il a pas croisé en 11 ans et demi. On va me raconter cette torture. Il fait le jouer à Euro Truck Simulator 2. Ça, il prendra même une amende s'il grille un feu rouge. Non, à ce moment-là, oui. Mais... Seb, tu disais la scène de torture dans GTA V, mais elle est vachement loin dans le jeu. La première scène de Trevor, quand tu le croises, qu'est-ce qu'il fait Trevor d'après toi? Il se tape une nana sur le comptoir de son camping-car. Ah ouais, ça m'a moins choqué. Mais à sec. Curieusement. Et après, non, après, après on veut pas les t'as pas vérifié. On veut pas les et détails. Et après, non plus. Il éclate la tête de mec avec ses bottes, quoi. Ouais. Et qui a un morceau de cerveau. Ouais, ça reste quand même assez violent. C'est l'introduction du personnage. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, le problème de ces jeux-là reste le contrôle des parents, quoi. C'est ça, responsabilité de chacun. Parce qu'à un moment, on est parti sur le PEGI, on va revenir oui, un petit peu. Oui, voilà, on va repartir. On va revenir un petit peu sur la violence, mais c'est. D'autant qu'on va bientôt arriver à la fin de la capacité de l'enregistreur, n'est-ce pas ? Du coup, on n'aura pas parlé des points positifs. Non, mais alors je vais juste me permettre de placer mon sujet parce qu'il me tient beaucoup à cœur. J'ai très envie de hurler dessus. J'ai appelé ça l'obligation de jouer à l'heure. Et c'est tout ça. Alors c'est quelque chose qui m'a touché dans Hitman et dans Overwatch surtout. Et bien c'est cette là aussi donc quelque chose qui vient du online évidemment et qui consiste à proposer une expérience de jeu particulière à des moments spécifiques de l'année, récurrent ou pas récurrent. Mais en gros, pour l'intérêt pour le développeur ou l'éditeur, c'est de renouveler l'intérêt porté sur le jeu. Donc, ça le fait souvent sur des jeux qui sont un petit peu plus au long cours, qui ont intérêt à continuer à être vendus. Souvent des gros jeux, des jeux AAA. Sur Hitman, ça prend la forme d'un truc qui s'appelle les cibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Cibles mouvantes. Fugitives. Les cibles fugitives. Qui sont en fait des contrats spécifiques mais qui sont là pour le scoring, c'est-à-dire qu'ils sont annoncés dans le jeu et hors du jeu sur les réseaux sociaux de l'éditeur, etc. Mais ce contrat-là ne va être disponible que pendant 7 jours ou 10 jours. Et l'idée, c'est que les joueurs puissent se doser. Il y a un classement spécifique là-dessus, puisque Hitman, il y a une mécanique de scoring qui est absolument géniale, très bien foutue. Mais on va laisser, voilà, on va laisser ce personnage là seulement 10 jours et il sera là qu'une fois, 10 jours et c'est fini, il reviendra plus. Le problème c'est qu'il y a des défis, il y a des succès, des trucs comme ça qui sont liés aux cibles fugitives et si pendant ces 10 jours là t'as pas l'occasion de te mettre dessus bien, voilà, tu passes à côté quoi. Et donc c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même du contenu qui est là, qui a l'air cool, mais ce que je trouve dommage en fait c'est qu'on ne puisse pas y accéder après, même je suis ok avec c'est bien pour dans l'intérêt du jeu pour renouveler l'intérêt du jeu, c'est bien de pouvoir se doser sur un temps etc, le côté partie classée tout ça dans les jeux et tout, je trouve ça cool, mais par contre pourquoi ne plus rendre le contrat disponible du tout après alors que le contenu il est là, il existe toujours, il suffirait de supprimer la mécanique de classement ou de scoring spécifique, mais au final le contrat il est là et ça coûtait rien tu vois, donc c'est dommage. Ah ouais. Et ça me l'a fait aussi sur Overwatch avec les événements saisonniers, oui. Qui sont des trucs super cool où tu peux choper du stuff qu'à ce moment là machin et tout, et là aussi je comprends l'intérêt et puis en plus il y a un travail de fou, par exemple il y a des mécaniques de jeu, là ils ont refait cette année les jeux qui s'avaient fait l'année dernière, parce que l'année dernière il y avait les Jeux Olympiques, c'est ça. Le JO, je ne sais plus. Oui, il y avait les JO l'année dernière. Je suis complètement braque. Oui, 2016, ça doit être ça. Parce que 2020, Tokyo, tout ça. Donc, dans Overwatch, il y avait les jeux avec le Loot Show Ball et tout. Enfin bref, il y avait des mécaniques sympas, des skins sympas et tout. Voilà, ça revient cette année. Mais bon, ça va pas durer longtemps, quoi. Il y en a pour jusqu'à fin août, un truc comme ça. Regarde. Et puis après, c'est fini. Et c'est dommage parce que quand on n'a pas, là, on rejoint. Il y a presque un autre podcast qu'on pourrait faire sur comment est-ce qu'on trouve du temps pour jouer quand on a 30 ans, des gosses, un boulot, machin, tout famille, ça. Voilà, enfin bref, les nos confrères de chez Gamerside l'ont fait mieux qu'on ne saurait jamais le faire nous-mêmes. Donc je vous conseille d'écouter leur version. Mais voilà, c'est dommage de se dire, t'as du contenu qui est là, qui est cool, et juste parce que j'ai mon taf, j'ai mon association, à tout hasard. Tu vois. bah du coup, je passe à côté. Voilà. Et ça, ça m'emmerde, ouais, putain. C'est... Donc pour le jeu, tu l'as pas lancé. On pour revient à ce problème. Pour le coup, oui, pour voilà, le coup, c'est ça. T'en as moins, ouais. T'en as moins que ceux qui ont eu le temps. Frustration. Mais pour le coup, c'est pas nouveau. Enfin, moi, j'y ai pensé. Je pense que Super Barbu y a pensé aussi. Ouais, dans les MMO, t'as peut-être. Tous les événements saisonniers des MMO. Je pense principalement à WoW, où on a beaucoup. Tu as la fête de l'hiver, où tu as la fête de ceci. Oui, mais l'avantage de WoW, c'est que si tu la loupes. Si tu loupes l'événement, tu sais qu'il va revenir l'année d'après. En général, il revient. Et surtout, je mets les MMO à part parce que la mécanique même du MMO, c'est d'avoir un univers persistant. Alors que Hitman, c'est un jeu local. Qui est là tout le temps, qui est machin et tout. Alors que Hitman, ouais, j'en ai pas parlé. Enfin, si, on en a parlé off tout à l'heure avant de commencer à enregistrer. Mais effectivement, sur le côté des connexions obligatoires, etc. Oups, pardon. Hitman distingue, donc je parle du Hitman 2016, hein, le reboot qui est, voilà, que j'ai beaucoup craché dessus à cause de son mode de distribution épisodique, mais je reviens totalement sur ce que j'ai dit. Allez-y, achetez-en, mangez-en, il est absolument génial, il faut y jouer, c'est super. Donc Hitman distingue le jeu online et offline, en ligne et hors ligne, jusqu'au point où il est impossible de continuer le jeu. Donc la plupart du temps, t'es sur ton ordi, ta console, machin et tout, t'es connecté, t'es bien. Il est impossible de récupérer ta sauvegarde en ligne, enfin de continuer à jouer en ligne, si t'as ne serait-ce que plus internet à ce moment-là, ou si les serveurs sont down ou quoi. C'est-à-dire tu veux jouer toi offline sans les fonctionnalités en ligne, parce que ça ne sert pas des fonctionnalités en ligne, hein, faut pas... Oui, tu veux juste continuer ton histoire. Voilà, tu veux juste continuer ton scénar, machin, reprendre ta sauvegarde, t'as plus internet, les serveurs sont down, machin, je sais pas quoi, et bah c'est mort parce que le jeu a décidé que tu pouvais pas. Alors j'imagine que c'est pour des raisons peut-être de classement, pour éviter la triche en ligne, machin. Comme sur Diablo 2, on pouvait avoir la double sauvegarde. Voilà, la double sauvegarde, c'est-à-dire le Battle.net ouvert et le Battle.net fermé. Sur SimCity, je sais plus. C'était le reboot qui avait fait après le 4. Il y a eu beaucoup de problématiques avec la nécessité de connexion permanente sur le reboot qui doit avoir 4 ans. Ouais. Qui en plus était tout merdique, ce jeu. C'est pas une franche réussite. Voilà, donc sur l'obligation de jouer à l'heure. Ça m'énerve. C'est l'obligation de jouer à ce moment-là, à cette heure-là, et à un moment. C'est plus un jeu. Mais c'est plus un jeu, ça devient une contrainte. C'est ça, c'est une tâche. Et comme il le disait, quand t'as un boulot, une femme, des gamins, une maison, des occupations, une association, un chat, t'as un chien. Pense à eux aussi. T'as envie de partir en vacances, tu pars une semaine. T'es obligé d'abandonner le chat. Pardon. Je veux dire, à un moment donné, tu vas pas t'empêcher de partir en vacances pour jouer, sauf qu'à un moment donné, si ça peut te ramener du bonus, du stuff, du machin, peu importe où, ça fait chier. Donc ouais, c'est quand même... C'est dommage. C'est pas génial, quoi. La seule justification qu'ont les créateurs du jeu à ce moment-là, c'est celle qui implique le fait de maintenir l'intérêt régulièrement pour leur jeu et du coup de maintenir leur modèle économique, quoi. Parce qu'effectivement, sur Overwatch, tout le saisonnier, chaque fois qu'ils le sortent, était dispo tout le temps, ça marcherait moins bien. L'idée sur Overwatch, c'est de faire revenir les jeux régulièrement. Parce que toi, tu l'as, tu vois le truc saisonnier, tu rejoues, puis tu vas en reparler à tes potes, et puis dans le lot, il y en a un ou deux qui ne l'ont pas. Et voilà. Et en plus, sur Overwatch, il y a des micro-paiements. Moi, j'avoue qu'après, si ça devient une contrainte, ça me refroidit plus du jeu que ce que ça me donne envie d'y retourner, quoi. Sincèrement. Ouais. Bah après, Hitman est tellement vaste que voilà, c'est pas. Mais même sans les types fugitifs, t'as des milliards de contenus. Par contre, Overwatch, ça me fait surchier, quoi. Le premier qui m'a vraiment fait plaisir, c'était les trucs d'Halloween, parce qu'il y avait des skins de ouf. Et puis du coup, je suis passé à côté. Et ouais, j'ai plus envie de jouer à Overwatch à cause de ça. Pas que à cause de ça. Oui, mais c'est sûr que là, justement, la contrainte que on parle donc de cette séparation entre le réel, l'IRL, comme ils disent, et le monde virtuel. Donc c'est contrainte. Donc c'est vraiment, tu peux pas être dans les deux mondes à la fois. Et là, on retouche un peu les MMO. Mais c'est ça, quelque part. C'est ces deux mondes. Donc c'est vrai que le monde virtuel essaie d'y être, mais pas complètement. C'est ça, en fait, ce qu'on se plaint, quelque part. Ah oui, totalement. Donc, Bon, mes chers amis, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Un petit peu. Hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, peut-être? Moi, c'est la frustration de pas avoir d'être maître sur le contenu. D'avoir, quand tu achètes un jeu, tu l'as de A à Z. Ah, ça. Avec la notice en plus, la banalisation de la violence et l'isolement. Voilà. Ouais, mais c'est ça, on a fait un peu le tour. Hein, puis après, il y a plein de bons côtés. Oh, non, mais il y a des bons côtés, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de contraintes. Ouais. La contrainte financière, parce que tu as les DLC, tout ça. La contrainte d'avoir un compte, d'avoir une connexion Internet, d'aller jouer à l'heure de machin. Bon, de prendre beaucoup de temps sur le sujet dont parlait Barbu, de prendre beaucoup de temps pour l'installation, pour les mises à jour prochaines. C'est dommage parce que on perd la notion du jeu plaisir en one shot. Non, mais tiens, je me ferais bien une petite partie, j'ai une heure devant moi. Ah ouais, mais non, enfin... T'as plus forcément de jeux qui vont... Tu as moins de gens, en tout cas, qui vont te le permettre. Non, c'est dommage. Bande de branquignoles. Ouais. Ah, le vieux. C'était une imitation. Oui, c'était le vieux con. Tu fais De Gaulle un peu. Attends, un peu, ouais. Tu fais le vieux con. Je vous ai compris. Attention, on va avoir des problèmes avec... Faut rajouter les cigales derrière. On est dans le sud. Laissez les DLC où ils sont. Les DLC et de la merde. Si vous entendez ce générique, vous êtes resté avec nous pendant près de 3 heures et on vous en remercie. On espère que vous avez hurlé avec nous, que vous avez crié avec nous, que vous avez pesté avec nous. Qui vous êtes? Que vous avez hurlé parce qu'on a oublié plein de trucs qui vous énervent aussi. Et puis vous avez... Les commentaires Facebook, Twitter, machin, tout ça. Comme d'habitude, on vous apprend rien. Dites-nous tout, on en reparlera. Et puis quant à nous, on a beau gueuler, on va retourner à nos jeux parce que l'air de rien, on les aime bien quand même. Bah ouais. On crie tout ça, on n'est pas content, mais on reste des joueurs. Mais ça fait plaisir un peu de vider son sac une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Ah oui, vider son sac. Ça fait du bien. Ouais. Non. Je vais mettre le feu à ma canne. Non, papy, rentre. Papy. Papy, va dormir. On va les infirmiers vont venir te chercher. Ah, il est au monde entier. Janine. Sur ce, chers amis gamers, chers amis gameuses, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. On vous retrouve pour une prochaine gueulante. Je n'annonce pas de sujet cette fois parce qu'on en a plein notre escarcelle, mais on ne sait pas lesquels on va faire en premier. Tout ça, faut trouver des invités, faut trouver le temps, faut trouver tout ça. Bref, suivez le flux, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur le site de l'association Les Amis du Pixel. Et puis on vous reviendra peut-être bientôt dans quelques semaine, dans un mois, deux mois, on ne sait pas, avec une autre émission qui n'aura rien à voir avec la gueulante, qui sera un peu plus en vrac, un peu plus participative et surtout qui devrait être un petit peu plus régulière. Les amis, un petit mot pour la fin, vous êtes quelques secondes avant la fin du générique. Quelqu'un veut... Passez une excellente soirée, journée, selon l'heure que vous écoutez. Et puis continuez à jouer, même si on gueule, on aime bien ça. Surtout, continuez à jouer. Et c'est pas parce qu'on... parce qu'on gueule qu'on n'est pas accessible. Hein. On est peut-être des vieux cons, mais on vous aime quand même. Et n'achetez pas n'importe quoi. Souvenez-vous, l'achat est un acte militant. Si vous achetez, vous cautionnez. Si vous n'achetez pas, vous ne cautionnez pas. C'est très important. Allez, chers amis gamers, chers amis gameuses, on vous dit... Il passe toujours pas, hein, le gameuse. Hein. Chers amis gamers, chers amis gameuses, on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous. Yeah.